à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, le numéro 58, enregistré le 28 avril 2023. Je suis Axel, un des hôtes de ce podcast, mais je ne suis pas seul. J'ai le plaisir d'avoir avec moi deux de mes co-hosts habituels, en commençant par Morgane. Comment ça va, Morgane ? Ça va très bien. Je suis très content de revenir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Ça fait longtemps. J'expliquerai après. Ah oui, bah oui. Une petite raison. On a avec nous également Eddy. Salut Eddy. Salut. Tu vas bien ? Mais oui, ça va très très bien. Ok, nickel. Parfait. Et on a également avec nous un invité que vous connaissez si vous suivez un peu nos podcasts. C'est Adrien. Salut Adrien. Bonjour, bonjour à tous. Tu vas bien ? Ça va bien. Merci de m'inviter en tout cas. Mais ça fait plaisir et puis ça faisait longtemps qu'on voulait te réinviter. Donc, ça se compte en années, hein, je pense. Ouais, littéralement. Je crois que le dernier podcast qu'on a enregistré ensemble, c'était le podcast hors série sur Harry Potter avec Eddy en 2019. Et ouais, et j'ai cancel depuis, donc ouais, ça date. Non, c'était ça le dernier, putain. Non, on avait enregistré Freddy, toi et moi. Mais juste toi et moi. Ah oui. Ouais. Ah, moi, oui. Freddy qui n'est pas cancel alors que c'est quand même un pédophile, on le rappelle. Non, oui, comme mais quoi. Il brûle à la fin, c'est pour ça. Donc, du coup, ça va. du coup, merci de parler. C'est horrible. L'enchaînement que je vais faire avec ça, c'est... je sais pas comment je vais faire. Mais du coup, ça fait. Ah oui, c'est vrai. Ah, oh là, oui. Oh merde. Merci, hein, vraiment. T'inquiète, on est là pour. C'est pas grave, on passe à ça. Du coup, vous avez peut-être remarqué que ça fait un petit moment. On était revenu quand même, on avait fait deux épisodes, on avait fait deux mois d'affilée, en octobre et en novembre, il me semble, fin novembre. Donc on avait réussi à tenir le rythme, mais du coup. Comment dire, depuis le 22 décembre, je suis papa, je suis devenu papa d'une petite fille qui a maintenant 4 mois. Et donc, vous imaginez les auditeurs et mes co-hôtes et mon invité que, voilà, enregistrer des podcasts quand on a un enfant en bas âge, c'est presque mission impossible. En plus des galères qu'on avait avant, c'est-à-dire des emplois du temps, etc. C'était déjà pas simple avant, alors. Voilà. Moi, je croyais que ça se mettait dans la cave, un gamin avec des croquettes, quoi. Enfin, là, ouais, non, c'est... je t'avoue que quand... Moi, quand... toujours préféré les chiens, quand... moi. à manger ou à... vous faites les salauds devant le micro alors que vous m'avez envoyé des messages très gentils. Mais oui. Donc, ouais, donc même voilà. Même que sa peluche préférée, c'est moi qui lui ai offert. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Un petit Shaun le mouton, effectivement. Oh, trop bien. Oui, ben voilà, c'est bon. donc voilà, si c'est une petite explication pourquoi on n'était pas là, en plus d'autres galères de planning, comme d'habitude, hein, de toute façon. Donc là, on revient toujours avec la nouvelle formule qu'on avait initiée il y a deux émissions de ça. Je vais un peu vous rappeler, du coup, je vais vous présenter le sommaire qu'on va faire ce soir. Ce soir, je pense qu'on enregistre le soir, mais si vous écoutez ça le matin, ça n'a aucun sens. Du coup, on va commencer avec notre rubrique maintenant habituelle, le jeu. Et cette fois-ci, ce sera le jeu des taglines. On n'a pas trouvé de meilleur titre. Et ce sera un jeu exceptionnellement qui est présenté par Morgane, puisqu'il avait très envie de présenter un jeu. Et je vais enfin pouvoir participer à un jeu après les deux précédent que j'avais présenté et auquel Morgan et Eddy avaient participé. Donc Morgan vous présentera ça juste après. Ensuite, on continuera avec le thème principal de l'émission qui est, le titre est un peu fait un peu dissert de philo. J'avais dit ça à Morgan avant, mais oui, l'émotion est-elle un critère de qualité d'un film ? On verra ce qu'on en pense. Vous avez 4 heures. Ce n'est qu'un titre et de toute façon on parlera plus de notre ressenti, etc. Donc ce sera pas ça va pas être barbant, ça en a l'air. Voilà. Et ensuite on finira avec les minutes nerds comme d'habitude, donc chacun présentera un petit sujet qui l'intéresse en dehors du cinéma. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a tout dit et du coup on va commencer tout de suite avec le jeu. On est donc à la première rubrique de ce podcast, c'est le jeu des taglines que Morgane va présenter. Je vais vous présenter un peu le principe. Du coup, Morgane va nous dire des taglines, ou comment on pourrait appeler ça en français, Des slogans. Des slogans, voilà. Allez. Ouais. Je sais pas, c'est des slogans. On dit des taglines. On dit des taglines en France. Ouais, des sous-titres. Voilà, exactement. Donc sur les affiches, normalement. Des phrases d'accroche. Par exemple, des phrases d'accroche, exactement. Je vais dire un exemple qui ne sera sûrement pas chez Morgane, puisqu'il me l'a confirmé. Par exemple, la phrase d'accroche de Alien, c'est personne ne vous entendra crier. Voilà. Non, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Dans l'espace, parce que sinon, on nous entend. Voilà. Voilà, et du coup va nous énoncer ça, et donc la petite règle, comme d'habitude, c'est que les participants doivent dire leur prénom avant de donner la réponse, parce que sinon c'est un peu le bordel à écouter. Et Morgane sera arbitre et juge sur qui l'a entendu en premier. Ah bah j'ai donc, perdu ça. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Niveau impartialité, c'est pas bon. Et on n'a pas parlé de ça en off, mais Morgane, tu veux que je prenne que je garde les comptes des points, ou tu le fais toi-même ? Non, je vais le faire. Et d'ailleurs, si jamais vous ramez un petit peu, il y en a peut-être 2-3, vous risquez de. Voilà. Je pourrais si c'est le dent de la mer, surtout. Quelques indices. Comment ? Non, je disais, si c'est les dents de la mer, c'est sûr, on va ramer, mais sinon, ça devrait. Oh non, non. Merci. Alors. Mais voilà, du coup, c'est uniquement des taglines, des phrases d'accroche en français. Oui, bien sûr, oui, parce que Adrien, il les aurait fait dans toutes les langues sauf en français. Non, moi, je les fais en français. Ok, bah très bien, je te laisse les rênes de l'émission, du coup, vas-y. Ok. Alors, vous êtes prêts ? Oui. Bon. Alors, pour le premier, écoutez-moi bien. Insensible à la douleur et à la pitié, impossible à arrêter. On est pas dans la merde. Hein. Je sais quel film c'est, mais je sais plus le titre. Il faut dire le prénom. Adrien. Hein, Adrien. Incassable. Oui. Non. Ah, non. Mais ça aurait pu. Axel. Crank. Oui. Non. Non. Crank, c'est quoi ça? Avec Jason Statham. Ah, c'est pour ça que je connais pas. Donc je le redis, insensible à la douleur et à la pitié. Ah oui, oui. Impossible. Tu peux le redire, arrêter. Oh si, je sais. Oh, j'ai trouvé. En fait, t'es pas loin, Axel, je crois. Attends, faut juste que je me souvienne du titre. Comment ça s'appelle Eddie, alors, j'essaye. Eddie, non? Non. Est-ce que si j'explique l'affiche, tout ça, ça passe? Bah non. Parce que je sais quel film c'est, mais j'ai juste pas le titre. Il y a du bleu sur l'affiche, ouais, c'est ça. Non, vraiment, je peux tout décrire. Oui, Axel. Terminator 2. Mais non. Non. Terminator 1. Mais non. Oui, voilà, c'est Terminator. Oui. Moi, je pensais que c'était le film avec Jason Statham, il se met la pince sous la langue et tout ça, là où il court. Et, bah voilà, moi, c'est ce que j'ai dit, c'est Crank, mais ouais. Ça s'appelle pas Crank. Ouais. Non, non. Ok. Et non, voilà. C'est Terminator. Voilà. La Terminator. Mais on avait dit un film. Premier alors. Point. Oh, ça y est, commence. Alors, deuxième film. Nous faisons peur et nous le faisons bien. Eddie. Oui, Eddie. Monstre et compagnie. Oui, ouais. Elle était pour toi, celle-là. C'est clair. Mais j'espère qu'il y en a une autre pour moi, hein, parce que si tu ne l'as pas mis... Bref, allons-y. Numéro 3. Ouais. Où serez-vous? C'est une question. Où serez-vous? Ah oui. Allez, j'essaie. Adrien. Oui, Adrien. 2012. Non. Eh, ça aurait pu être ça. Axel. C'est un truc dans ce style-là. Oui, Axel. Le jour d'après. Oui. Oh, ça me fout, ça serait la deuxième réponse. Désolé, Adrien. Franchement, tu m'as donné la réponse. Ouais, c'était clairement ma deuxième réponse. Et j'ai laissé un petit peu de temps parce que je trouvais ça plus sympa. En fait, j'aurais juste dit ah, oui, une deuxième fois. Il avait le choix entre un bon film catastrophe de Roland Emmerich et un mauvais, et il a pris le mauvais. Ah. Oui, c'est clair. C'est clair. Moi, j'aime bien les deux. Moi, je suis suisse. Hein. En tout cas, Adrien. Je suis suisse. En tout cas, Adrien, désolé de te dire ça, tu es très mauvais parce que tu n'as aucun point. Je suis claqué. Numéro 4. Numéro 4. Souvenez-vous, on vous avait prévenu, mais vous n'avez pas écouté. Donc ça doit être un 2 ou une suite. C'est un thriller, ça. On dirait une tagline d'Escape Game, genre. Oui, c'est une suite. Putain. putain. Je vois pas du tout. Oh, si, tu connais. Je suis trop nul à ça. Ah bon? Oui, oui, tu connais, ah tu l'as vu. C'est un film que j'ai pas vu, mais c'est sûr que vous l'avez vu tous les trois, celui-là. Mais oui, c'est sûr que je l'ai vu, c'est tout seul. Oui. Ah, non. Oui. Non. Eddie? Eddie, oui. Je l'ai vu, hein, t'es sûr? Et, ah merde, j'ai dit mon prénom, pardon. Oui, oui, non, si tu l'as dit. C'est bon. Mais non, je sais pas. Hein. Ah, donc, toujours. Ah, je le connais pas, celui-là. Dis un film que t'as vu qui est une suite. Le Monde Perdu. Non. Non, c'est pas, un film que Morgane n'a pas vu. En plus, ça, c'est un indice, quoi. J'ai pas vu. Toi, tu l'as pas vu en plus? Non. Tu peux la redire, s'il te plaît? Souvenez-vous, on vous avait prévenu, mais vous n'avez pas écouté. Putain, qu'est-ce Axel que ça peut être? Oui, Axel. Ouais, non, j'allais dire Souviens-toi l'été dernier, mais c'est pas ça. Mais oui. Non, on a parlé de film. Mais non, c'est pas ça. Ouais. Adrien. Oui, Adrien. Je tente. Destination Finale 2. Non. Ah. Non, ah, c'est... Ouais. Parce que oui, ça fait clairement le truc. Mais tu vois, encore une fois, ça aurait pu être qui refont les ça. Erreurs. Mais... Ouais. Putain, dans quel film des gens font des erreurs plusieurs fois de suite? Je vais essayer de trouver un indice sur... C'est un film sorti en 1990. Ah. Ok. Putain. 1990. Le réalisateur de ce film-là est le même réalisateur que le premier. Le mec a fait... Il n'y a que deux films. Que ça. Il y en a ouais. Deux. Et les deux ont été faits par le même mec. C'est une saga de deux films. Ouais, il y en a deux, oui. Ouais, et c'est le même réalisateur. Ouais, c'est le même réalisateur. Et vous l'avez vu, c'est sûr. Oui, bah, ça te paraît tellement évident, mais... Le deuxième indice, vous trouverez, je pense. Bah vas-y, hein, parce que là, vu comme mon galère... Ouais, vas-y, vas-y. Studio Amblin. Bah non. Ouais, quoi? C'est donné, bah oui. Le premier est sorti en 84. Je sais, Adrien, oh je sais. Oui. Sais, Adrien. Ouais. Oui. Gremlin 2. Oui, Gremlin 2. Ah, allez oui. Bravo. J'adore ce film. T'as pas vu Gremlin 2? Moi, je l'ai pas vu. Le 2. Oh, mais voyez ah, t'as ça, pas vu le 2, toi, que... Non. Mais il est meilleur sais, que le 1, les frérots. Hein. Ouais, je sais. C'est de la folie, ce film. Ouais. Il est hyper inventif. Toi, t'es pas convaincu, Eddie. Ah, c'est super bien. Moi, je trouve ça chiant un peu, mais... Oui, ça appartient à son époque, après, hein, mais... Mais voilà, c'est ça. Donc, on est 1, 2, 3, 4... Alors, pour le cinquième... Ouais. Ouvrez les guillemets, putain de film. Ah, c'est un ouais. Truc à la Dupieux, ça, non? Ouais, non. Non. Je pensais que vous l'auriez trouvé, celui-là. Adrien? Oui. Ah, il a trouvé, lui. Réalité? Non. Non. Non, non. Adrien? Oui. Rubber? Non. Non. Ok. Je pense pas. Adrien? C'était sûr qu'il allait le faire une troisième fois. Mais non, mais tu vas faire toute la filmo de Quentin Dupieux, ça, on est pas. Non, mais c'est je sais pas qui a fait une vanne, mais le troisième Adrien, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Mais je sais, c'est moi. Il s'avait pas compris, je crois. Merde, putain de film. Est-ce que c'est un film français? Oui, oui. Ah oui, ça c'est français, c'est sûr. Ouais, bon, on sait jamais, tu sais. Il y a des distributeurs français. La Cité de la Peur. Non. Mais je pense pas. Non, c'est pas ça. Je suis sûr que je l'ai vu. Ah, je l'ai. Axel. Oui. Tenue de soirée. Oui. Yes. Ouh, bravo. Très fort. Je l'ai pas vu, mais je vois souvent l'affiche. Donc, c'est l'ancien que je vous conseille. De Blier, c'est sixième, ça, c'est Bertrand ça Blier. Bertrand Blier, oui. Alors, le sixième. Alors, je pense que... Allez, si je dois miser sur quelqu'un qui va trouver, je pense qu'Adrien va trouver direct. Mais là, okay. Alors... Il y a des films d'horreur et il y a des films qui font peur. Je sais. Oh, c'est bon ça. Axel. Ah, oui. Scary Movie, oui, non, c'est pas ça. Non. Adrien. Ah merde. Oui, Adrien. Saw. Non, Saw, c'est chaque meurtre est une pièce du puzzle. Je voulais la mettre, ah, oui, mais oui, je trouvais oui. Ça trop évident. Ah, c'est ça la tagline de Saw? Ouais. Putain, j'aurais pas. Ah, je pensais. Non, mais je sais. Mais en fait, là, je vois très bien l'affiche et tout ça, mais j'essaie de me souvenir. C'est les trous de mémoire comme ça. Alors, une tagline comme ça, c'est un film qui est un peu à l'ancienne. Donc ça ouais, être c'est 80, ça. Oh, si, je sais. Ok, je sais. Adrien. J'adore oui, ce Adrien. Film. The Descent. Oui. Ah, finalement, c'est pas un film ancien. J'adore ce film, il est incroyable. Il a dit quoi? The Descent. The Descent. Ah, d'accord. Le film, tu sais, le film d'horreur où ils descendent. Où ils descendent. Bah oui. Dans, non, dans les caves dans... et tout ça, et puis il y a des monstres. Non, j'ai jamais vu ça, moi. Ah, c'est bien, il ça. Il est bien, film. Franchement, ouais. Il est extrêmement flippant, ouais. Ça, c'est vrai. Ah, oui, très réussi. Numéro 7, du coup. Ouais. Elle n'est pas évidente, celle-là. Je pense que vous, ça marchera aux indices. La vie l'attend. La vie l'attend. Waouh. La vie l'attend. Enfin, la vie est en train de l'attendre. Donc, la vie l'attend. Adrien. Ouais, ouais. Oui, Adrien. Je tente complètement au hasard. Forrest Gump. Non. C'est un film comme ça, de toute façon. Hein. Ça aurait pu. Ce Forrest Gump, la tagline de Forrest Gump, c'est « La vie est une boîte de chocolat, on ne sait pas sur quoi on va tomber ». Je me suis dit, si je l'avais celle-là, bon... Non, mais là... C'est vraiment ça, la tagline? Non. Non, c'est une réplique du film, mais... Mais en tout cas, elle est sur l'affiche. Eddie? Oui, Eddie. Alors, j'ai pas le nom complet du film, mais c'est pas le truc Parker Mitty, là La vie rêvée de Walter Mitty? Ouais, non. Parker Mitty. Parker Mitty, c'est mon Twitter. C'est la vie rêvée de Walter Mitty, mais effectivement, il y a un... Oui, ah, ça. Voilà, c'est ça. Et ben, c'est pour ça que j'ai dit Parker Mitty, parce que c'est la faute à Adrien. C'est pas ma faute, je suis plus sur Twitter depuis un an, frérot. C'est pour ça que ça m'est resté en tête. J'ai pas vu ce film, donc. Adrien. C'est un film. Oui. Boyhood. Non. Oh putain. Ah, c'est. Oui, ça et franchement, je serais super bon en slogan. En DA de d'un film. Oui, c'est clair. J'ai jamais revu depuis sa sortie ce film. C'est un beau pareil. Film. Du coup, en fait, tu voulais dire un indice, Morgane? Oui, c'est inspiré d'une histoire vraie. Merci. Et effectivement, on est vraiment dans un film un peu genre. Oui, pour parler de Forrest Gump, Walter Mitty, on est un peu dans cette vibe-là. Ouais, ouais. Feel good. C'est une fable. C'est une fable, ouais. C'est une petite fable. Ah oui, je tente un truc que j'ai pas vu. Adrien? Ouais. Slumdog Millionnaire? Non. Ouais. Non, parce que Slumdog Millionaire, pareil. Hein, la tagline, elle est très, très évidente, quoi. À la tagline, c'est les fabuleuses aventures d'un indien malchanceux qui devient millionnaire. Tu te dis? Bon, tu sais ça. Putain, ça, c'est de la tagline. C'est ça. La description du film. C'est ça en fait, c'est le synopsis. Ouais. Et c'est un film qui se déroule dans un endroit clos. Dans un endroit clos? Ah, je crois que je sais. Axel? Adrien? Oui. Merde, vas-y, ouais. Axel. Room? Non. Oh, non, c'est bon, je l'ai. Adrien? Non, Eddie? Alors, j'ai entendu avant, Adrien. Bah, en fait, j'ai entendu Adrien avant. Je crois que je l'ai. Le terminal. C'est le premier que tu as entendu, Morgan. Oui, bah, c'est Adrien que j'ai entendu, j'avoue. Et bah, c'est le terminal. Oui, c'est le terminal. Allez! En plus, je l'ai vu super récemment. Et c'était trop bien, voilà, je le dis. Excellent film. Oui. Ouais. Le meilleur de Spielberg pour moi, enfin bon. Ouais, franchement, top 5 au moins. Oui, donc Adrien n'aime pas du coup. Si, je trouve ça vachement bien. Il a dit qu'il aimait. Ah bon, je trouve ça vachement bien. C'est un Spielberg. Je suis pas un anti-Spielberg. Il y a des trucs que j'aime pas, c'est tout. Mais c'est bien, le terminal, c'est bien. C'est très très bien même. Numéro 8 maintenant. Votre esprit abrite la scène du crime. Votre esprit abrite la scène du crime. Oui, Axel. Minority Report? Non. Non. Adrien? Oui, Adrien. Identity? Non. Kiki? Identity. Qu'est-ce qu'il dit? Identity, quoi. La marque. Identity, tu vois, le film qui est pas mal. Ah, le film de James Mangold. D'accord. James Mangold, alors, c'est vachement bien ce film. Non, mais c'est pas Identity. Il parle super vite, alors j'ai compris Tititi. Votre esprit, c'est l'esprit abrite la scène du crime. Votre esprit abrite la scène du crime. C'est encore un truc à la con, ça. Non, c'est pas un truc à la con du tout. Non, ça doit être bien. Ça. Pour tout le monde, oui, mais pour toi, tu vas dire c'est pas bien, c'est ça. Je te vois venir. Ah, c'est bien pour tout le monde, mais pas pour lui. Ça, c'est un bon indice. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, il aime pas ce film-là. C'est moi? Moi, j'aime pas ça? Ah, je suis quasiment sûr. Alors, c'est pas Gothica, parce que ça, il aimerait bien, du coup. Eh, hey, j'ai horreur de ce truc-là. Adrien? Oui, Adrien. Ça me paraît un peu random, mais Seven? Non. Non. Bah, sachez que j'adore Seven. Mais c'est très bien, Seven. Bah oui. C'est pas Fincher que je préfère, quand même. Est-ce que c'est un film de science-fiction? Oui. Oui. C'est un trop gros indice? Je sais pas si je peux dire... Je sais pas si c'est de la SF, mais... Anticipation. C'est action SF, on va dire. Ah, ok. Thriller. C'est action, SF. Ah, bah, c'est bien parce que je cherche action dans ce coin-là, moi. Action, XF. XF. Oh, je sais, Adrien. Oui. Total Recall. Non. Non, mais ça. Non. Ça aurait pu. Non, non, je pense. Un film d'enquête. Ouais, il y a une enquête du coup. Il y a une intrigue. Votre quoi. Esprit et la scène du crime. Eddie. Non, votre esprit abrite la scène du crime. Oui. Bah non, mais Blade Runner, mais c'est trop évident. Non, donc c'est pas ça. Non, non, non, non, non, non, ça c'est votre sommeil c'est gagnera la salle de cinéma, ça. Sinon. Oh. pas faux. Oh, tu remontes dans mon estime. Ouais, j'aime bien le 2, mais j'ai pas le 1. Il parlait du 2, je crois. Donc... Ouais, c'est le 2, moi. Ah, merde. Le 2. un autre indice, Morgan, on patauge là. Ouais, vas-y, vas-y, parce que... On est vraiment trop nuls. Hein. C'est ouais. Sorti en 2010. Ah, Adrien. 2010. Oui. Inception. Oui. Bah, allez. Mais il n'y a pas vraiment... Mais oui. Oh là là, mais les c'est gens, ça. Ils vont nous entendre. Ah, c'est non, pas mais... vraiment de la SF, mais oui. Bah, oui c'est de la SF. Moi, j'appellerais ça de la SF, hein, perso. Ah si, c'est de la SF. Ouais. C'est plus le crime. Moi, je ne me souviens pas très bien qu'un esprit habite une quelconque scène du crime. Bah, je sais pas, c'est écrit sur l'affiche. Hein. Moi, je me fais confiance. Ouais. Ouais. Alors, façon, je pense à la source code. Je te confirme que je ne suis pas super fan. Voilà, ça bah moi été. Je l'ai revu récemment et il a baissé dans mon estime personnellement. Oui, je trouve pas ça nul, hein, mais pour moi c'est vraiment pas un très bon de la main. Ouais, il y a des scènes quand même. Oui. Moi j'adore toujours. Voilà. À ne pas mettre entre toutes les mains. Et non, ce n'est pas ma bite. Car elle est à mettre. Non, c'est juste à ne pas mettre entre toutes les mains. À ne pas mettre entre toutes les mains. Est-ce que c'est un truc vraiment super trash de ouf ou pas? Non. Non, non. Ok, j'aurais dit un truc genre Serbian Film. Ah, un gars, une fille. Je pense non, pas. Serbian Film. Serbian ah, film. Je pense pas qu'il y ait une tagline à Serbian Film. Si, si, si, si, si, c'est un truc comme ça justement. Ouais, bref. Ah, ok, ouais. Super. Je vous donne un indice tout de suite. On est dans de l'horreur. On est dans ah, oui, bah tu dis c'est mignon toi aussi. Non, mais par rapport à Serbian Film. c'est de l'horreur, mais c'est un peu cute ou c'est. Ou genre ça passe quoi. Est-ce que ça existe l'horreur un peu cute? Oui, Gremlins c'est cute. Adrien? Non, oui, c'est vrai, Adrien. J'allais dire Gremlins 1, mais je pense pas. Non, non. Non. Ouais. Essayez de visualiser tout quoi il pourrait faire. Oui? Ouais, ouais. Annabelle? Non. Un truc comme ça, non? Je sais pas. C'est pas Annabelle. J'aurais bien un truc avec un jouet. Ah, mais Eddie? Oui. Chucky? Oui, tout simplement. Mais oui, bah oui, jeu d'enfance. Eh, bah, oui, c'est en fait. Annabelle me fait penser à Chucky, du coup. Ouais. Ouais. Oui. Elle est pas mal. Bien sur Chucky. C'est bien. Numéro c'est 10. Vrai. Chucky, bah alors, honnêtement, moi je trouve le premier formidable, même le 2. Après, voilà. C'est... Le 1 et le 2, c'est très bien. Ouais, c'est vachement bien. Ouais, mais je sais pas. Ouais. Pour ma cam, ça. Donc, ouais, effectivement, c'est un peu cute. Numéro 9, du 10. Coup. Non, 9, ouais. 10. Non, elle l'a déjà fait, là, c'est le 10. C'est le 10, effectivement. Okay. Passer à la vitesse maxi. Axel. Adrien. Ah. Adrien. Oui. C'est Speed. Axel qui passe en premier. Speed Turbo. Racer. Bah, clairement, c'était Axel en premier. Hein. Tout ah bon le monde ah, excuse-moi, j'ai pas entendu. Je suis désolé. Ouais, j'ai pas entendu. Ah bon, bah, je suis désolé, Axel. J'ai pas entendu. Vas-y. Vas-y, ouais. Vas-y, il y a eu 2 secondes d'écart entre les deux, donc. Vas-y, Axel. Alors, ouais, je me disais c'était un peu injuste. Mais... Non, vas-y, Axel, excuse-moi. Je suis sûr c'est de la merde. En plus, c'est Turbo, je dis, mais. Non. Hein? Ah, si c'était pour dire ça, t'as mieux fait de tête. Ouais, voilà. Adrien. Et Adrien. Speed Racer. Non. Ouais, un truc comme ça. Mais je me disais, ah peut-être, bon. Tu vois, il va mettre un film de merde dans, entre tout. Ouais. Non, j'ai mis c'est que pas si mal, Speed Racer. T'as mis que des bons films. Ça, c'est un indice. Hein. Bah, à mon sens, c'est des bons films. Enfin, j'ai pas vu Gremlins 2, okay. Mais je pense que c'est bien. Non. Mais si, c'est vachement bien. Bah, ben, si, mais. Bof. Ouais. Ok. Faut bien le dire, Axel. Mm-hmm. Fast and Furious. Non. Oh non. Bah non, justement, il a dit que c'était bien. Ouais, mais je sais pas. Je crois qu'il est pas fan en plus. Puis le 5, c'est pas mal. Il y en a peut-être, voilà, tu vois. Genre, oui, si, voilà. Si j'avais dit Fast and Furious et que c'était le 5, tu me l'aurais accepté, je pense. Oui. Non. Oui. Ouais, parce que j'aurais pas fait tous les Fast and Furious, je t'avoue. Passer à la vitesse supérieure. Passer à la vitesse supérieure. Passer à la vitesse supérieure, merde. Eddie. Oui. Speed. Oui. J'allais le dire, tu sais que j'allais vraiment bravo. Le dire pour de vrai, ouais. Mais bravo. Bravo. Ça pour surtout le coup, c'est vraiment très bien. C'est un excellent. Ah ouais, c'est pas mal du tout. C'est merveilleux. Numéro 11. Ouais. Ne on rien a 12, lâcher. C'est ça, hein. Oui, j'en ai 12. L'avant-dernier, donc. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Je pensais une connerie, mais... moi aussi, je pense qu'à des trucs de merde. Hein, je pense qu'il y a le même centipède. Oui, il faut vraiment rien lâcher. Ah, non, non. Ah, ça peut être une belle tagline, j'avoue. Pour ce film. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher, mais ça me parle en plus, ça. Moi c'est aussi. C'est pas un infomaniaque. Hein. Ouais. Mais... pas mal. On dirait un film de sport, tu vois. Un film, non, c'est pas ça. Mais je pense pas. Non, c'est plus un. Une, je verrais bien un truc genre grande fresque un peu. Moi, plutôt, moi je verrais plutôt genre un survival, genre, tu sais, genre 127 heures. Une espèce. Mais pas forcément non plus, justement. Alors, si je peux dire, ouais. Adrien est sur la bonne voie. Ah, ok. Non, mais c'est sûr que c'est un survival. Oui, Eddie. Eddie, Gravity. Bien sûr! Il fallait bien le mettre, celui-là. Évidemment. Mais c'est quoi qu'elle doit pas lâcher dans Gravity? Bah, la vie. Bah, faut pas lâcher, c'est le thème du film. C'est faut pas lâcher, bonne faut soirée, abandonner. Au revoir, messieurs, dames. Voilà. On lâche pas la vie, on s'accroche. Voilà. C'est ça. C'est moi, je croyais que c'était film, de pas dormir. Du film, si on fait un petit point sur les scores, Morgane, avant de faire le dernier. Eh ben, on a un ex-écho entre Eddie et Adrien. Vous avez 4 points. Tu vois, tu me charriais. Et Axel a 3. Ok. Ouais, donc ça va. Ça, eh, franchement, si t'arrives à choper 4, ce sera magnifique. Personne ne sera humilié. Et le dernier, chercher l'intrus. Adrien. Oui, Adrien. Knives Out. Qui quoi? Un couteau tiré. Knives Out. Non. Ah. Ah, ça aurait pu, mais non. J'ai cherché une tagline, mais en fait, il n'y en avait pas pour celui-là. Donc, Axel. Oui. Les visiteurs 2. Non. Tu sais, il dit des trucs random, qui sait que Morgan, il kiffe. J'hésitais à faire ça, moi aussi. J'adore les visiteurs 2. Oui, chercher je sais, c'est pour ça. Chercher l'intrus. C'est... Non, j'ai pensé à un truc horrible, genre... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il y a un lien très subtil avec qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Très subtil, ah. Mais vraiment. Très subtil, d'accord. Je crois qu'il n'est pas subtil du tout, son lien. Non, il est très lointain. Comment? Eddie? Non, Get Out, non. Non, Get Out, c'est pas parce que vous êtes invité que vous êtes le bienvenu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est et puis je vois pas le rapport en plus avec qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Bah, si, ah, si le racisme. Donc, ouais, ok. Ouais, peut-être. Eddie. Oui. Us, du coup. Non. Peut-être. Est-ce que du coup il y a les vrais. Us, braies, c'est y a les nous sommes notre propre double. Ah, c'est ça. Finesse, mais tu les connais par cœur en fait. Bah oui, bah, c'est-à-dire qu'il a travaillé quoi. Non, bah, ça fait partie de mes films préférés quand même. Donc, bah oui, t'as bien raison. Sérieusement? Ah ouais. Bah oui, c'est vachement bien. Ah. Ah ouais, Us et Get Out. Bah, c'est Jordan Peele en général, c'est vachement bien en fait. Bref. Ouais, mais c'est pas le genre de truc que t'as envie de revoir pour. Hein, je l'ai vu 3-4 fois quand même. Moi. Oh là là, je sais pas. Ouais, moi, Us, c'est pareil, hein, j'en suis à moins 5 fois. Ah non, je peux pas. Ouais, bah, c'est vrai, c'est pas un concours. Suffit, hein. C'est bien, mais bon. Attends, on va chercher l'intrus. Allez, on est sur un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Adrien. Ah. Oui. Parasite. Oui. Et en plus, je l'aime pas. C'est-à-dire que je gagne sur un film que j'aime pas. C'est magnifique. Surtout que, alors, le lien avec Question d'un faux bon Dieu, c'est que dans Parasite, il y a des Asiatiques. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Ah, oui, c'est vraiment un lien. C'est subtil, non? Oui, tu l'as dit, subtil. Hein. Bah oui, subtil. Bon, franchement, ouais. Franchement, Eddie, Parasite va te plaire. C'est sûr. Ouais, je pense que tu vas aimer, Eddie. Mm-hmm. Moi, j'en suis à mon troisième visionnage. Même moi, j'ai vu deux fois. Et ben, j'ai pas kiffé. Trop bien. Juste que je trouve la motivation. Mais bah, super jeu, merci Morgane. Et qui c'est qui a gagné du c'était, coup c'était, bah, du... Franchement, c'était super. Du coup, c'est Adrien qui a gagné. J'étais très mauvaise langue. Ah, tu bah vois, voilà, tu vois. Et du coup, c'est vraiment la suite logique. Adrien, 5, Eddie, 4, Axel, 3. Voilà, très bien. J'ai gagné quoi du coup? Parfait. De toute façon, comment dire, parce que là, ça a duré 30 minutes au moins. C'est vrai, le droit d'organiser le prochain, c'est cool. Bah, allez, ouais, écoute, c'est la prochaine fois que tu viens, si tu veux faire un jeu. Le problème, c'est qu'avec son micro pourri, on va. Non. Bah, c'est ça en fait, il va dire des répliques de films avec son micro de merde, et du coup, bah, on va devoir deviner c'est quelle réplique et donc quel film. C'est bien ça. Ouais. On aura le temps d'y réfléchir, mais du coup, non, je voulais dire, je raccourcirai au montage évidemment. Pour, vous aurez le, oui, bah oui. Là, les oui, auditeurs, oui. Vous aurez eu pas les moments de recherche qui sont longues. Ou les moments où on discute du film, c'est, oh, c'est bien ça. Voilà. Voilà. Bah, en tout cas, encore merci, Adrien. Morgan. Et ouais, bravo, bravo Adrien. Je suis pas venu pour rien, les amis. Mais il faut y trouver un cadeau, ouais. Un lot de consolation quand même. Il a quand même gagné. C'est le lot de consolation pour le mec. Un lot de consolation pour le gagnant. Le lot de consolation pour le mec qui a gagné. Putain, ah non, je suis vraiment deg d'avoir. C'est pas trop le principe. Je suis vraiment deg d'avoir gagné, frérot. Est-ce que tu peux m'offrir un truc? Mais écoute, il aura le droit de dire qu'il a gagné dans l'épisode numéro 58. Voilà. C'est déjà très bien. Un week-end à la maison en Normandie. Voilà. Tu es le bienvenu, Adrien. Voilà. Le gagnant venait passer un week-end à la maison. Pour rencontrer Mulder et Ruben. C'est un honneur, hein? Ouais, de ouf. C'est le mec qui est super content, tu sais. Oh putain, génial. Merci, Morgan. Ok. Je suis trop content. Ouais. On va passer à la suite et on va passer tout de suite à la rubrique principale du podcast qui est le thème. Voilà. À tout de suite. On est donc à la rubrique principale, le thème, et comme je vais le rappeler, le thème qu'on a choisi pour cette émission, c'est l'émotion est-elle un critère de qualité d'un film ? Donc on va passer tout de suite en mode France Inter, j'ai l'impression, pas vraiment. Donc en fait, je vais rapidement présenter le thème, et je vais demander aussi à Eddie, puisque c'est lui qui a proposé en fait le thème, d'où c'est venu cette idée, et puis un peu présenter ça. Donc en fait, ouais, Eddie était venu dans la discussion et m'avait parlé du fait que avec Adrien, ils avaient eu une discussion. Alors, apparemment, c'était dans un ancien podcast Movie Nerd, je sais je plus. Je sais plus du tout voilà. Lequel c'est, mais ouais. En gros, j'avais dit une connerie, il a décidé d'en faire un podcast. Merci, Eddie. Voilà. Non, c'était pas une connerie, hein. C'était juste qu'on avait eu une divergence d'opinion. Comme ça n'arrive jamais. Vraiment comme sur le fait que, apparemment, enfin voilà, Adrien pense, enfin. D'après les souvenirs d'Eddie, c'est que Adrien avait dit que l'émotion n'était pas, enfin, c'était pas primordial. Voilà, c'était pas primordial sur la qualité d'un film. Alors que pour moi, c'était vraiment une partie intégrante du truc. Oh, c'est intéressant. Voilà. Ouais, donc voilà. Okay. Rapidement, vous pourrez vous présenter. Mais c'est là, on grossit le truc. Oui. Quoi, voilà, c'est ça. Et c'est plus complexe que ça, ouais. Quand même. Exactement. Et puis de toute façon, enfin voilà, c'était vraiment pour représenter rapidement la chose. Et ça permet justement, c'est bien qu'on ait Adrien avec nous comme ça. Bah, en plus, on peut en rediscuter et de façon plus longue et plus posée. Ouais, voilà, sachant que c'est pas une continuation dans le sens où moi j'ai aucun souvenir de ce que j'ai dit à ce moment-là, donc c'est vraiment plus. Voilà. je me souviens plus. C'est vraiment plus. Voilà. C'est donc le si les auditeurs se souviennent si ça a été enregistré, ben écoutez, parce que j'avoue que j'ai pas eu le courage de réécouter toutes les émissions. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui prennent des notes vraiment sur ce que je dis à chaque fois et vraiment qui les gardent pour en discuter en soirée après. Putain, Adrien, il a dit un truc vachement bien sur mon bah oui, voilà. Donc le mec qui fait ça, bah, tu peux commenter. Lâche un pouce bleu. Le sujet de thèse après. Voilà, totalement. Vraiment. Comme... ok, bah du coup, Eddie, du coup, c'était. Donc oui, j'ai présenté rapidement. Donc c'est bon. J'ai fait un petit conducteur. Ça va être. C'est vraiment pour nous guider, mais ça, on va un peu diverger, je pense. De toute façon, je voulais d'abord commencer par demander quel est, pour vous, quels sont les critères importants pour chacun dans l'appréciation d'un film. Pour moi, c'est peut-être le premier truc dont on va parler, parce que du coup, ça partait de là-dessus, en fait, que l'émotion ne faisait pas partie d'un critère. Mais alors, c'est quoi les critères les plus importants si ce n'est pas l'émotion ? Et j'aimerais bien commencer du coup avec Adrien. Alors moi, en fait, c'est tout dépend ce que tu appelles apprécier. Si apprécier, c'est aimer le film, ouais. Ma réponse ne sera pas la même chose que si apprécier, c'est trouver bien le film. Et d'ailleurs, je pense qu'en fait, c'est le centre de la discussion. Hein, c'est la question entre subjectivité et objectivité. Parce que moi, je vais aimer un film qui me fait ressentir des sentiments que j'apprécie, hein, mais je ne vais pas nécessairement le trouver bien. Pour moi, il y a une différence, ouais. C'est-à-dire que J'ai vu typiquement là, j'ai vu récemment des films d'action là avec comment il s'appelle ce mec là, Gerard Butler, où il sauve un peu l'Amérique et tout ça. C'est vraiment naze du début à la fin, mais je sais pas, il y a un côté action débilos que archi divertissant, c'est ça. Donc j'ai apprécié le film. La chute de la Maison Blanche. C'est exactement ça. C'est très très voilà. Alors qu'un film qui me fait ressentir, alors que je vais trouver bien plutôt un film. Alors moi du coup mes critères, ce serait un film soit qui innove d'un point de vue technique ou qui dit des choses du monde un peu novatrices ou en tout cas qui me donne une réflexion intéressante sur le monde ou encore qui recherche l'exigence. Moi il y a un côté comme ça aussi, c'est-à-dire que c'est pour ça que je défends des films comme ceux d'horreur de James Wan ou ce genre de choses, parce que je trouve que la réal est exigeante. Et voilà, okay. Donc moi je dirais, voilà, les trois critères qui font que je trouve un film le bien, c'est l'innovation, la profondeur ou l'exigence, alors que les critères d'appréciation, évidemment, ils sont beaucoup plus multiples que ça. Ok, très bien. Et dis du coup, toi, je te pose la même question. On est sur le même constat, hein, en fait. Hein. Après, oui, les critères vont se différencier, mais dans l'idée, c'est ça. C'est effectivement, il y a la part d'objectivité et la part de subjectivité. Et justement, tout à l'heure, on parlait de Us. Moi, j'ai trouvé que formellement, c'était très bien. Mais par contre, c'est pas un film que j'apprécierais de revoir plus que ça, parce que c'est quand même particulier et c'est pas... moi, c'est pas... Ça ne te parle pas plus que ça. Objectivement... Ouais. Ça me parle et je comprends le message du truc, même si je suis pas d'accord avec toutes les idées non plus. Mais après, c'est pas un film que je vais prendre plaisir à revoir. Alors que tu me mets un bon gros film d'action bien gras. Oui, là pour le coup, tu prends plaisir à revoir, tu vois. Mais il y a un film d'action que j'aime bien qui est sorti il y a quelques années. C'est San Andreas avec The Rock. Mais en fait, il est archi divertissant, quoi. Et bien sûr que c'est complètement con et que c'est. Mais pour le coup, ça divertit. Et c'est vrai qu'à revoir, c'est plus ce genre de film-là que je revois. Ouais. Après, des films qui me bouleversent, comme, je sais pas, des Terrence Malick ou des trucs comme ça, oui, là, je les revois parce qu'en fait, c'est qu'il y a. Il y a des moments, c'est un besoin de le revoir. En fait, t'as des films comme ça qui sont un peu thérapeutiques. C'est clair. C'est clair. Ouais, totalement. Et du coup, oui, il y a quelques poignées de films comme ça qui pour le coup, objectivement et subjectivement, c'est se clair, rejoignent, c'est en clair. Fait, pour toi. Mais à contrario, par exemple, je sais que objectivement, par exemple, je sais pas, tu prends The Tree of Life, c'est pas très accessible et ça peut paraître hyper chiant. Alors que subjectivement, moi, c'est clairement un film qui me fait du bien. Ouais. Donc oui, en fait, je sais pas s'il y a vraiment des critères particuliers, mais pour moi, l'émotion, en tout cas, si. Moi, c'est vrai que si je ressens rien, que ça soit même de la peur ou des choses comme ça, je vais te donner un exemple. Il y a des films de James Wan que j'aime beaucoup. Ouais, pardon. Ouais. Parce que ils me font peur, en fait. Oui, c'est vrai. Contrairement à d'autres films d'horreur, c'est qui me font pas peur. Je pourrais amender un peu ce que j'ai dit en disant que cela dit, un film qui ne me fait rien. Ça va quand même me poser problème. C'est-à-dire qu'il y a pour moi, un grand film, ça te fait forcément quelque chose, même si t'es pas super sensible. Un film que tu regardes du début à la fin, tu te dis j'y trouve aucun intérêt, c'est compliqué à défendre quand même, d'un point de vue objectif. Après. Mais... Le meilleur exemple que j'aurai là-dessus, ce sera par exemple chez Christopher Nolan, où je trouve que c'est un cinéma assez froid et justement qui manque un peu d'émotion, même souvent. Et c'est pour ça que je pense qu'Interstellar, c'est celui que je préfère chez lui, parce que justement, il y a de l'émotion en fait, qu'il n'y a pas dans d'autres films. Quand tu vois dans The Dark Knight, il y a. Comment il s'appelle ça, son love interest à Batman dans le film, elle meurt, mais alors ça passe comme une lettre à la poste. On s'en fout comme total. Ça, c'est ça, et là pour le coup, c'est raté en fait. Alors que c'est un truc décisif dans l'histoire, et je trouve que du coup, dans la filmo de Nolan, tu vois, t'as ces deux extrêmes. T'as un passage comme ça qui est censé être hyper important pour le développement du personnage et tout, et ça passe comme ça. Et puis où, dans Interstellar, où justement, là, il réalise vraiment qu'il s'est engagé dans un truc qui fait que ce sera plus jamais pareil quand il va revenir sur Terre. Quoi. Ouais. Donc, il y a vraiment. Je trouve que là, pour le coup, on a vraiment les deux extrêmes. Au sein d'un même réel, donc c'est intéressant en plus en termes d'analyse, c'est pour le coup. Morgane, toi du coup sur ça, Ouais, la question que j'aurais dû poser peut-être, c'est quand vous allez voir un film au cinéma ou même quand vous mettez un film à la télé, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous en attendez? C'est sûr que ça dépend aussi du moment. On va pas regarder le même type de film selon notre humeur personnelle. Je veux dire, c'est quoi pour toi les critères d'appréciation qui font que tu aimes un film? Bah, alors, je ne saurais pas en définir un précisément, mais je dirais que globalement, il faut que ça me touche. Après, c'est vrai que j'ai beau essayer d'être le plus objectif possible, je me rends compte que dans tous les cas, la subjectivité prend le dessus. Je vais prendre un exemple d'un film qui m'a profondément ennuyé, mais que tout le monde considère comme un des plus grands films de ces dernières années, qui est Dune. Si je gratte un peu, je reconnais évidemment que c'est sublime. Je reconnais que il y a une densité esthétique qui est puissante, qui est même sans équivalente. Mais est-ce que cette histoire-là a capté mon attention? Est-ce que ça m'a stimulé? Est-ce que ça m'a intéressé? Mais aucunement. Non, ça n'a pas vraiment fait une unanimité. C'est un petit peu en dedans. Ce titre-là. Pardon, je disais que je disais que ça avait justement à ce titre-là pas vraiment fait l'unanimité. C'est plutôt un Devil Nove qui est quand même considéré comme mineur. Mais bon, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'était pas le sujet. Ah, mais je peux étendre je peux même étendre ça à Blade Runner 2049. Ouais. Donc, quelque part, c'est ma subjectivité qui l'emporte. Récemment, je suis allé voir un film qui s'est fait défoncer par tout Twitter, qui est le nouveau film de Florian Zeller, The Son. Tout le monde disait, c'est nul, c'est du mélodrame, etc., etc. J'y suis allé, je suis ressorti, je pleurais dans le bus. Il y a d'excellents mélodrames. Hein. Ouais, mais il y a ça aussi. On est toujours, même malgré nous, on est toujours très influencé par la masse aussi. C'est vrai que il y a un espèce de dictat du. De toute façon, quand ça chiale, c'est forcément mauvais. Mais non, pas du tout. Je trouve pas. Dans le cadre de ce film-là, c'était surtout en comparaison avec The Favour, qui était un thriller plus conceptuel. Là, il est allé vers le mélodrame, grand bien lui fasse. Et le film s'est vraiment fait démonter. Et je suis sorti de là en me disant « Merde, j'ai aimé le film ». Limite, je culpabilisais en me disant « Mais attends, c'est moi ou je suis en train de dire le même sujet ?» Et quelque part, je me rends compte que plus le temps passe et plus je laisse ma subjectivité prendre le dessus. On parlait tout à l'heure en off des visiteurs. Mais je pense que c'est bien, en fait. Oui, et puis, tu peux pas être objectif tout le temps, puis tu peux pas être objectif... Tu ne peux pas être objectif au détriment de ce que toi tu en retires personnellement, parce que je pense que le plus important ça reste ça quand même. Bah oui, parce être objectif c'est intéressant dans le sens où tu sais parler d'un sujet, c'est plus ça qui est intéressant. Surtout que autant je saurais parler de tel ou tel film que j'aime ou que j'aime pas, après effectivement la personne, même si j'ai un respect pour les autres spectateurs, mais c'est avant tout le rapport que j'ai moi avec le film, et il faut effectivement qu'il y ait cette proximité émotionnelle. Mon Gravity c'est une histoire très forte entre ce film et moi, il m'a touché peut-être comme jamais personne n'a été touché par ce film là après c'est pas un gage de qualité. S'il faut être objectif, je continue de penser que le film, et c'est un cap technique, c'est un très grand survival, mais je peux totalement admettre qu'on puisse s'ennuyer devant. Il y en a qui s'ennuient devant ce film. Bah oui, je te confirme. Et je sais pas si c'est moi qui ai raison ou si c'est eux qui ont tort. Enfin, j'en sais rien. Mais quelque part, à la limite, on s'en fout. Mais ouais, et peut-être que, je sais pas, à force de vieillir, je deviens plus sage. Et je recherche peut-être moins l'objectivité que je cherchais un peu avant. Là, je me dis, bon, bah allez, c'est bon, quoi. C'est moi avec le film. Ça me touche, je le dis. Ça me touche pas, je le dis aussi. Après, on peut en parler. Bon, après, est-ce que les réseaux sociaux sont les meilleurs endroits pour débattre? Mais après, je pense que là, tu soulèves un truc intéressant, et d'autant plus quand tu abordes la question des réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, en plus, tu peux pas juste, de toute façon, donner un avis déjà. C'est compliqué. Et c'est surtout que. En fait, t'es constamment soumis à du jugement. Bon, ça, c'est un peu la loi des réseaux sociaux. Mais c'est surtout que, en fait, comment dire, c'est que tu ne peux pas déjà aller à contresens. C'est compliqué aussi, mais c'est surtout qu'en fait, il faut toujours qu'il y ait. Aujourd'hui, tu n'as pas de nuance, t'as pas de juste milieu. Je pense que. Il y a eu une époque où les gens, bah oui, moi j'aime ainsi, enfin moi j'aime tout, je suis pas sûr de t'aimes ça, tout va bien quoi. Et aujourd'hui, c'est de la merde, rendez-vous compte que c'est pourri et tout, mais non. Ouais. C'est complètement... Ouais, je suis pas sûr de... Ça annule en fait tout le principe de débat. Je suis pas sûr de ça. Je comprends hein, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, et moi-même, je m'en suis éloigné quand même pour une raison. Mais je pense pas que ce soit une question d'époque. Je pense que là, simplement, les réseaux sociaux, faut qu'on ait plus exposé aux jugements et aux commentaires des autres, simplement parce qu'on y a accès. Mais ce qui pouvait se dire il y a des années, dans les journaux un peu d'opinion, où les gens ils se mettaient sur la gueule super régulièrement, quand tu vois les horreurs qui pouvaient être dites autour des débats sur Madame Bovary ou ce genre de choses, c'était pas non plus super soft. Hein. Moi, je pense pas qu'il y ait, je pense pas ça, qu'il y ait une différence d'époque. C'est que, ça faisait moins de bruit. C'est parce que la société était plus cloisonnée qu'aujourd'hui. Aussi. Là, il y a tous les défauts du monde, mais on a quand même une société où chacun a droit à la parole et chacun a accès à l'autre. Alors que c'est vrai que ce qui se faisait avant dans les salons feutrés où on s'engueulait, finalement, en fait, c'était exactement la même chose. C'est juste que là, on y a accès. Mais je pense pas qu'il y ait une différence d'époque sur le fond. C'est ça que je veux dire. Ouais. Non, je suis d'accord avec ça. Moi, tout ça pour dire, c'est ça. Moi, c'est peut-être égoïste, mais je fais pas passer mon avis sur celui des autres, loin de là. Mais en tout cas, je me dis, le film doit me toucher, moi, peu importe ce que les gens disent. C'est comme là, il y a un film qui est sorti mercredi que je n'irai pas voir parce que je n'ai pas envie de le voir. C'est le nouveau film d'Ari Aster. Je n'ai aucunement envie de le voir. Ouais. Ça ne m'attire pas, ça ne me tente pas. Alors que tout Twitter est en train de le voir, peut-être parce que voilà, il faut le voir parce que c'est Ari Aster. C'est ça, il faut le voir. Et moi, je me souviens, Edith, tu l'étais avant moi, ça fait des années qu'Edith regarde les films juste qui l'intéressent. Alors qu'avant, tu étais un peu plus cinéphage. Maintenant, c'était par question de moyens aussi. C'est que quand on va au cinéma, on choisit en fait ce qu'on veut aller voir. On se dit pas, bon, tiens, on va voir ça, on sait pas ce que c'est, on y va. Non, en fait ça m'emmerde. Ouais. Pour le coup, on parlait tout à l'heure de jeunesse et tout ça. Moi, je pense qu'il y a aussi un côté, quand on évolue et qu'on commence à découvrir le cinéma, on a envie, et je pense qu'on a raison d'ailleurs, d'en voir le plus possible. Moi, j'ai vu ça aussi à un moment. Et en fait, plus ta culture est construite, plus tu vas commencer à réfléchir à ce que tu vois. Moi, je suis un mauvais exemple parce que je regarde un film par jour et ça fait des années que je continue à le faire. Donc, je suis pas le bon exemple. Mais j'ai un gros problème là, je sais même pas si je regarde C'est vrai que maintenant quand je vais au ciné, je vais voir un film, soit je sais ce que c'est et je peux me dire ça va peut-être être nul mais je sais ce que c'est, j'ai été voir le Evil Dead, j'ai été voir Scream, voilà des trucs et des valeurs sûres où pour Scream surtout je me disais même si c'est nul je vais m'amuser. Un film dont je suis sûr que c'est vachement bien ou un film qui m'intéresse, mais le Ari Aster c'est un très bon exemple. Moi, je suis super fan de ce que fait Ari Aster. Je suis extrêmement sensible à son cinéma. Mais son nouveau, le Boys of Fred, c'est pas un film, ça ne m'intéresse pas du tout. Et c'est vrai que moi, je pense que le Adrien d'il y a 5 ans serait vraisemblablement allé le voir au ciné, celui-là. Alors que là je vais attendre très sagement qu'il soit disponible sur mes plateformes légales préférées. Ou que mon cousin d'Amérique me le... me le ramène, mais c'est vrai que j'irai pas au ciné, ça c'est vrai. Voilà, c'est ça. Je pense que j'ai appris à affiner ce que j'avais envie de voir et ce pourquoi je regardais les films. Il y a des films effectivement qui ont été un peu qui m'ont aidé sur le plan culturel et qui ont été des déclencheurs d'une certaine manière, mais je pense que plus je vieillis et plus je laisse la subjectivité. Ça dépend où tu en es dans ta cinéphilie aussi. Alors là, c'est vrai que pour le coup on ramène vraiment le débat sur une passion plus, pas sur le public, le grand public qui va aller au cinéma comme ça, mais vraiment là on ramène plus sur les gens qui s'intéressent au cinéma, qui aiment analyser et tout. Mais c'est vrai que quand tu commences à t'intéresser au film, effectivement t'en vois pas mal. Moi je sais que j'ai eu une période où il y a 15 ans maintenant, putain ça me fait bizarre de dire ça, et là pour le coup je regardais énormément de trucs et c'est là que j'ai découvert tous les Kubrick, que j'ai commencé à regarder du Scorsese, que j'ai commencé à regarder du Muet, et du coup là tu te construis non seulement une culture, mais surtout tu te construis une appréciation et une forme d'émotivité pour le coup, c'est-à-dire que tu... Et tu te rends compte de ce qui te touche, de ce qui te touche pas, et de ce que tu as envie de voir et de pas voir, en fait. Et aujourd'hui, 15 ans après, c'est que du coup, bon, 15 ans après, plus 3 années de Covid, bah, du coup, tu te dis, oui, non, ça, j'y vais pas. Ça, j'attends. Ouais. Puis au bout d'un moment, c'est que, bon, j'ai pas envie de regarder un film aujourd'hui, tu vois. Ça évolue aussi. Ouais, c'est pas dire que t'es moins, aussi, c'est ça, juste que tu perds l'envie. Moi, en ce moment, là, ça va faire 2 ans. C'est compliqué, hein, quand tu regardes ma liste de films vus dans l'année. Moi, je fonctionne beaucoup par genre et par comparaison aussi, dans ce sens-là. Il y a un moment où j'allais voir tous les films de super-héros, les Marvel et tout ça, et à un moment, j'en ai vu un, je dirais pas lequel, parce que bon, pour le coup, je sais très bien ce qui m'attend si je dis du mal d'un Marvel. Ouais, mais tu vois, rien que ça, en fait, en deux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, bon, c'était Captain Marvel, voilà, je vais donner un exemple. Que j'ai trouvé très mauvais, non, c'était pas que très j'ai bon, trouvé donc. Très mauvais. Alors je précise pour les sales trolls que c'est pas du tout évidemment pour les raisons pour des raisons de sexisme, je ne sais pas quoi. Je trouve que Brie Larson joue très bien et tout ça, c'est pas sujet. Ah non, c'est juste que j'ai trouvé le film très mauvais, et depuis, à part une exception quand même, j'ai été voir le Sam Raimi au cinéma parce que je peux pas faire sans. C'est vrai que je n'ai plus été voir aucun Marvel parce que je me suis dit, bah, je veux pas répéter cette expérience, je vais regarder ça tranquillement chez moi, mais je vais pas me déplacer pour voir ça, quoi. Il y a quelque chose de ça aussi, c'est-à-dire c'est pareil. Tu construis des goûts, tu construis des attentes, et une fois, et quand ces attentes sont subverties une fois, deux fois, trois fois, à un moment, tu y vas juste plus, quoi. Non, puis nos méthodes de consommation changent aussi. Hein. On le voit là d'ailleurs, on est en plein dedans. Hein. Oui, et puis si on te resserre 50 fois la même soupe au bout d'un moment... Marvel, c'est compliqué, hein. Enfin, je veux dire... Moi, j'y vais plus. Le seul Marvel que je vais aller voir, c'est Les Gardiens de la Galaxie la semaine prochaine, hein. Mais après, c'est terminé. Ah, mais même pas. Parce qu'on se construit... Ah ouais, même pas, parce que je me dis, j'ai loupé... Oui, mais j'ai loupé plein de segments. Je pense que c'est... Il y en a plein que j'ai pas vu, et le côté univers étendu, machin, moi, ça me saoule. Je pense que c'est aussi parce qu'on se construit une maturité. Attention, je dis pas que les gens qui aiment les Marvel à notre âge sont immatures, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'on se construit une maturité à la fois une culture et à la fois une maturité émotionnelle qui fait qu'à un moment on prend conscience non seulement de ce qu'on trouve bien, et parce qu'on a défini des critères, mais peut-être qu'on y reviendra, et on prend conscience aussi de ce qui nous plaît ou pas, et ça, c'est une forme de maturité émotionnelle, de se dire bon bah là, ce truc là vraiment, j'ai essayé plusieurs fois, avant j'aimais bien, mais plus ça va, plus j'avance, moi je trouve ça bien, quoi. Et quand tu vieillis, il y a des films que tu adorais avant, et que tu te rends compte que comment ça se fait que j'aime ça. Il ne faut pas s'interdire, mais justement, ça, c'est un piège. Parce qu'il ne faut pas s'interdire de ressentir, mais il ne faut pas s'interdire non plus d'avoir ressenti. Non. Il ne faut pas se dire, qu'est-ce que j'étais bête d'aimer ce truc-là. Juste que tu n'avais pas les mêmes attentes et pas la même sensibilité à l'époque. Absolument. Ouais, non, mais totalement. Et toi, du coup, Axel, quel serait tes critères ? Parce que bon, le mec, personne ne lui donne la parole, tu sais. Non, mais c'est pas grave, hein, y a pas de souci. Mais oui, effectivement, moi, les critères importants. Effectivement, en fait, quand je parle, c'est vrai que quand je choisis un film, c'est principalement pour déjà, ça va être selon mon envie du moment, selon mon mood, pour utiliser un mot anglais, du moment. Mm-hmm. Je vais avoir, tu vois, si j'ai vraiment envie de pas réfléchir, de regarder une comédie ou quelque chose, j'ai ma liste de 50 films que je sais que sont qui vont me faire rire et que je vais pas aller chercher le plan de caméra intéressant, la réflexion sur la société intéressante, mais par contre si parfois ça me reprend c'est ce que tu disais Eddie, parfois on a plus envie de regarder on se dit, ce soir, je vais pas vouloir aller un film. Mais moi, je me sens coupable de ça. Hein. Non, mais il faut pas. Avoir de motivation. Je me dis, mais putain, t'écrivais des critiques et tout, tu passais du temps à faire ça, et là, tu fais rien, quoi. Ouais, mais. Tu passes ton temps à. Mais en fait, c'est que j'ai trouvé un autre support qui m'apporte autant, en fait. Bah oui, c'est ça, en fait. Tu peux aimer. Toi, je sais que. Je m'évade et je trouve refuge dans autre chose. En fait. Toi, je sais que c'est le jeu vidéo. Clairement, oui. Moi, il y a quelques années, j'ai découvert par exemple le jeu de société où je suis un peu plus dedans en ce moment. Tu vois, ces genres de trucs, tu dis plutôt que de regarder un film, je vais peut-être jouer à un jeu de société avec mes amis, un truc comme ça. ou un jeu vidéo, ou regarder un épisode de série, ou enfin de toute façon tu vas de toute façon mais les séries peut-être plus tu vois les séries ça va je regarde encore ouais. Mais les films puis honnêtement les films il y a rien qui me tente quoi en ce moment c'est impressionnant hein. Et pourtant je sais que et je vois bien qu'il y a des gens qui ont des avis très tranchés sur certains trucs je me dis bon il doit bien y avoir des trucs quand même assez géniaux parce que mais tu vois, quand je repense à il y a 10 ans, il y a des films que. Bah, tu vois, je sais pas, genre. Tiens, 2013, on avait eu Cloud Atlas, on avait eu Gravity. Mais là, pour le coup, quand tu repenses à ça, tu te dis, enfin, 10 ans plus tard, on n'en est pas là, quoi. Ouais. Avoir des films après, qui défraient. Mais par contre, j'ai vraiment. Tu vois, j'ai été voir Avatar 2 deux fois au cinéma. Parce que je savais que ce serait une expérience, et effectivement. Donc c'est particulier, hein, c'est bizarre, c'est très bizarre, j'arrive pas à mettre vraiment de mots non, sur mon mood actuel. Je peux comprendre aussi, hein, ça c'est vraiment, c'est aussi à chacun de définir son envie, etc. Et puis moi je pense pas qu'il faut se sentir coupable de ce genre de choses, parce que c'est des choses qui viennent, qui partent, qui reviennent, enfin vraiment tu vois, ça peut d'un coup revenir et puis après qui raconte des conneries sur un film que j'apprécie et tout là je vais pas avoir de problème à remonter au créneau mais quoi. Puis parce que faut pas chier non plus moi je veux surtout dire aussi mais là on est quasiment dans la philo hein, mais on se contraint suffisamment dans la vie de tous les jours et notamment dans la vie professionnelle ce genre de choses même si bon on peut aussi adorer son boulot hein, moi c'est mon cas mais voilà on se contraint suffisamment là-dedans pour pas commencer t'imagines dans notre seul îlot mais je le ressens aussi hein, mais dans notre seul îlot un peu de réconfort que ce soit les jeux de société jeux vidéo notre bulle, que ce soit si je commence à me dire ah je suis con de regarder ça oh je devrais jouer à autre chose machin ça commence à devenir compliqué hein. Après je ressens ça aussi hein. Je dis pas que je le ressens pas mais je dis que c'est sans doute vraisemblablement pas la bonne manière de jeux qui sont commencés et que tu les as pas finis et que t'en commences un autre tu te dis putain c'est ça commencé c'est un problème aussi ça ouais non mais ouais du coup et puis moi j'avais une petite anecdote aussi par rapport à parce que c'est vrai que parfois même avant, c'est vrai que j'avais cette démarche de regarder des films un peu pour en ressortir grandi. Il se trouve que je revois plus des films que j'en découvre. Les découvertes sont au cinéma. À la maison, je préfère... Ça se sent. Moi, c'est 50%. Se voit, en fait. Dans ce que tu publies, ça ressort. Ah ouais. Il y a des trucs que j'ai revus il y a 2-3 ans. Hop, j'y repars parce que j'ai... Ça arrive de Et toi, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que tu revois très régulièrement. Ouais. C'est et ben moi, tu vois, pour le coup, là, c'est un moment... c'est un peu contraire à ce que je viens de dire, mais où je me contrains. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que j'ai tellement de DVD, en gros, je suis le seul mec en France qui a encore les DVD. Mais j'en ai entre 2000 et 3000, voilà, pour être plus précis. Je me fais des listes régulièrement de 30 films, dont forcément la moitié, ça doit être des trucs que je n'ai pas vus, parce que sinon, je reverrais toujours les mêmes choses. Mais je me contrains parce que je sais que quand les films que je vais découvrir, que je vais trouver ça vachement bien, que je vais avoir envie de le revoir. Je me contrains pas parce que je me dis, ça faut vraiment que je le voie parce que tout le monde dit que c'est bien. Je me contrains entre guillemets parce que je sais très bien que si je ne mets pas un petit taquet, je vais revoir 30 fois la même chose. Ça le problème, c'est que est-ce qu'on perd pas un peu de la curiosité qu'on pouvait avoir? Ça c'est possible, parce que Je l'ai au cinéma. Parce que tu vois, quand on se dit, faut que je voie celui-là parce que tout le monde dit que c'est bien, du coup ça te rend curieux. Et en fait, moi je l'ai plus cette curiosité. Quand t'as construit tes goûts, quand t'as construit tes attentes, c'est très difficile d'en ressortir. Difficile. Hein. Morgane, tu voulais dire? Moi, effectivement, moi, la découverte, la curiosité de découvrir, c'est surtout au cinéma. À la maison, c'est plus le côté. Pour le coup, Adrien soulevait un truc intéressant. C'est vrai que des fois, on a nos contraintes professionnelles, scolaires, ce qui est mon cas et tout. Ou même, j'en parle très librement. C'est vrai que ces trois derniers mois n'ont pas été très confortables pour moi. Je sors d'une dépression, j'ose le dire. Et c'est vrai que j'avais pas forcément envie de ça. Moi, j'étais dans ma petite bulle. Et par exemple, le nombre de plateaux télé que je me suis fait avec mon copain, la dernière fois, on s'est fait un marathon des tuches, mais je me suis éclaté. Et puis, c'est peut-être pas des grandes comédies. Ah ouais, c'était super. J'étais avec mon copain, j'avais cuisiné un petit truc. C'est une expérience sociale aussi. C'était chill à mort. Et ouais, c'était ça aussi. C'est des moments importants et qu'il faut pas négliger parce que c'est les tuches. On s'en fout, c'est les tuches. Moi, ma compagne est pas cinéphile du tout. Ça fait aussi partie. Le mien non plus. Ça fait partie, entre guillemets, aussi des contraintes, mais contraintes au sens très large, parce qu'on n'a pas commencé à penser qu'on est cadenassé par des, quoi, par des gens. Voilà. Non. Des contraintes qui est que tu es dans la vie sociale avec la personne, et parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois, il faut composer. Et tu composes en faisant une chose avec la personne, t'en tires aussi du plaisir. T'as pas le monopole du truc. Voilà, ça veut dire que la contrainte, évidemment, elle n'est pas que professionnelle, ou elle n'est pas que. Voilà, elle peut être sociale, elle peut être. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, d'ailleurs. Non, justement. Et puis le coup des tuches n'était pas une contrainte. C'est même moi qui ai dit, je sais que t'aimes les tuches. Vas-y, j'ai envie d'un truc léger. Voilà. On mange un petit cheat meal et tout. On y va. Et voilà. Ou même alors pour le coup, les visiteurs que je regarde assez souvent tous les samedis, c'est pareil. C'est mon petit plaisir. Oui, voilà. Ah oui, ça, non, c'est même un rituel plus qu'un plaisir. Tu sais qu'un jour on va en faire un podcast, Morgane. Ah mais vous pouvez y aller parce que non mais j'ai tellement de trucs sur les visiteurs 2. Et d'ailleurs petite parenthèse, Axel, tu sais le fameux Fabien Moreau, j'ai réussi à le convaincre de revoir les visiteurs 2 et je sais que quand je vais retourner chez lui bientôt, il m'a dit tu ramènes le Blu-ray parce que je crois que c'est un bon film et tu as raison, Morgane. On en avait parlé dans Jugez-moi coupable. Si vous, c'est si pas vous si nul que ça. Voilà. C'est vrai que c'est pas si. Non, c'est drôle. Non, non, mais en même temps, j'ai pas non plus envie de dire du mal parce que je respecte totalement. Et voilà, c'est le sujet. C'est une question d'appréciation personnelle. C'est vraiment une question de ce qu'on pense. Bah, oui, non, mais bien sûr. Et c'est vrai que je voulais le dire au début. Moi, je l'ai pas dit. Mais évidemment, ça, c'est, enfin, là, de ce dont on parle, c'est évidemment nos avis. Et enfin, vous avez le droit de ne pas ressentir la même chose et c'est pas grave. Hein. Heureusement, heureusement. Voilà, vous pouvez aimer Fast and Furious et tout, ça ne vous rend pas moins légitime à parler de quoi. Ouais, ça, c'est important à rappeler parce que c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de contraintes. On se sent coupable de tellement de trucs. Et si on commence, pareil, avec sa passion, à se sentir coupable dans sa passion. On se sent coupable et puis on se fait culpabiliser aussi quand même. C'est ça. Du coup, il vaut mieux. Voilà. Vivez vos passions comme vous le sentez. Et comme vous... Mais soyez intelligent, quoi. Pour laisser aux autres le soin de vivre la leur aussi. Oui, exactement. Voilà. Oui, c'est tout l'intérêt du truc. Pas imposer vos idées sur les autres, c'est ça. Du coup, c'est vrai qu'on est un peu un peu divagué. Bah, on est un peu revenu, on a un peu abordé plein de trucs. On a abordé nos manières de consommer aussi. Moi, ce que je voulais dans ce thème, c'était pas forcément parler du thème. Ouais. C'est justement, c'est très bien. Voilà, c'est justement pour ça que j'ai créé. Qu'on a revisité l'émission Movie Nerd parce que je trouve que c'est très intéressant ce genre de discussion en fait plus donc c'est cool, je pense qu'on a après je suis intéressé par parler d'émotions quand même moi ce que je voulais dire c'était parce que c'est vrai que quand j'ai tout de suite abordé le thème des émotions, Morgane, il est allé et Adrien et vous êtes tous allés quasiment vers l'émotion. Enfin, quand on parle d'émotion, on parle de pas la tristesse, mais le ressenti. Le ressenti, le fait d'être touché. Mais par exemple, une émotion, c'est aussi l'affectif. Le rire. Ouais, j'ai envie d'être touché. Ouais, l'affect. Non, mais je veux dire, une émotion, ça peut être aussi le rire. Ça peut être aussi, la peur. Ça peut être plein de choses. Justement, moi, si ça vous intéresse, j'ai un peu recherché. Comment on définissait aujourd'hui, au XXIe siècle, l'émotion ? Et j'ai trouvé ça intéressant. Bon, je ne vais pas dire 10 000 définitions. Hein. Il y en a une qui est très bien, qui dit juste que c'est un trouble de l'âme. Ça, c'est le Centre National de CNRTL, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, pour ceux que ça intéresse. Le vieux Larousse du XVIIe, qui dit que c'est un sentiment qui trouble subitement l'individu et le dérange de son état ordinaire par une vive surprise. Et alors moi, j'en ai tiré une définition toute personnelle qui est qu'en fait, c'est une réaction affective qui se manifeste quand il y a un phénomène qui arrive auquel on est sensible. Par exemple, je regarde un film d'horreur, je suis chez moi sur mon fauteuil. Je ne devrais pas avoir peur. Mais ce qui dérange ma psyché, en fait, même, c'est ce que je vois. Je vois quelque chose qui me dérange. Et ce quelque chose qui me dérange, il provoque quelque chose en moi. Tu vois ? Et ce quelque chose, c'est l'émotion. On m'a montré quelque chose qui m'a troublé. Donc c'est vrai, du coup, dans ce sens-là, l'émotion, ça peut très bien être quand tu regardes une comédie, bah pareil, hein, t'es devant chez toi, tu regardes des pixels. Hein. Mais ça va te faire marrer parce qu'on te montre une situation qui va te faire marrer. Donc il y a plein d'émotions. Moi je trouve que c'est intéressant de revenir sur la définition parce que c'est vrai qu'on dès qu'on dit émotion, on pense tout de suite affect, on pense tout de suite à le truc qui m'a touché. On pense tout de suite aux larmes, tristesse, ou ouais, rire, c'est touché, ça. Ouais, voilà. Je regarde Titanic, c'est de l'émotion, non. Tu vois ce que je veux dire. Alors que l'émotion dans Titanic, on la trouve partout en fait, quand tu regardes bien. Et pour le coup, là, c'est un moteur du film, ça. Oui, voilà, ah, oui. Oui, non, bien sûr. Et donc voilà, je trouve ça intéressant. Oui, non, mais c'est parfait. Oui, c'est justement ce que je voulais aborder par ça, quoi. Donc, non, c'est nickel. En plus, tu as trouvé les difficultés. Et du coup, est-ce que vous avez des. Parce que c'est vrai qu'on ne l'avait pas forcément prévu, mais je me dis que ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez des exemples de films qui vous ont vraiment provoqué, par exemple, je ne sais pas, un trop plein d'émotions Alors, moi, je peux donner un exemple. Moi, j'en ai plein. Très récent, et tu en as parlé pendant cette émission. Et bon, c'est. Alors bon, préparez-vous à ce que je reparle de ma paternité un petit peu trop. Désolé. Il est relou avec ce truc-là. Bien le film. Du coup, je suis allé voir le... Non, je sais pas de quoi. J'ai pas il entendu. Il a dit Serbian film. Non, mais fallait mieux pas entendre. non. Mais du coup, le seul film que je suis allé voir en 2023, c'était début janvier. Je sais de quoi il va parler, donc du coup, je suis content. Et c'était du coup, c'était Avatar 2. Voilà. Que j'ai bien aimé, que voilà, j'ai trouvé un peu long sur certains côtés, etc. Mais je suis même pas allé, moi j'en ai rien à foutre. Jusque là c'était bien, il a fallu que tu amènes tes arguments à la con là. Désolé, je suis même pas allé moi. Non, mais voilà, j'ai trouvé un peu long, mais vraiment très bien. Bon, évidemment, je vais pas réinventer la roue en disant que c'est très bien réalisé, etc. Mais ça se voit en salle quoi, pour le coup. Ça en fait, du coup, ça faisait 2 semaines que j'étais papa. Et je voyais ce film et j'ai pas envie de spoiler, hein, mais ça parle beaucoup de famille et il y a un moment proche de la fin où j'ai jamais pleuré comme ça dans une salle de cinéma et devant un film, même Toy Story 3, qui je crois c'était le dernier souvenir où j'ai vraiment pleuré. C'était pas au cinéma, c'était chez moi. Mais là, vraiment, j'avais peur que les gens se retournent tellement je pleurais. Regarde Fast and Furious, j'ai pas pu voir la fin de la... aussi, hein, tu sais, Ouais. Là, j'allais la faire en plus. Hein, j'allais la faire. Non, mais du coup, voilà, c'est vraiment un des derniers exemples. Et évidemment, là, c'est, je parle de larmes, du coup, c'est vrai que c'est plus de l'émotion, de la tristesse. Enfin, oui, c'était vraiment de la tristesse, là. Mais, Puis Avatar, c'est vraiment. Enfin, le 2, c'est vraiment les liens, quoi. Voilà, c'est voilà, les c'est liens ça. Entre les êtres, en fait. C'est ça qui est beau dans le film. Voilà, et du coup, effectivement, le fait d'avoir été. Ma propre expérience personnelle, plus. C'est. Ça a rajouté en fait un truc. Je pense que si j'avais vu le même film 2 ans avant, j'aurais ressenti de la tristesse, c'est sûr, mais j'aurais pas été autant touché. Donc c'est sûr que nos expériences personnelles sont comme un vecteur de ce que les films peuvent nous faire ressentir en fait. Ouais, et puis on a tous nos thématiques aussi. Hein. Moi pour répondre à la question d'Eddie. Alors bon, moi je suis très fan de films d'horreur, donc un film qui va me terrifier au plus haut point, c'est le bonheur, c'est Nirvana pour moi. J'ai quelques exemples. Et t'arrives à avoir peur. Ah ouais. Moi je suis très mauvais quelques exemples, des films moi, d'horreur. Il n'y a pas beaucoup qui arrivent. Moi j'ai quelques exemples comme Hérédité, Paranormal Activity, voilà, il y a plein de trucs qui me font peur. L'exemple très très important que j'ai, et que ça fait, il y a certains films très rares que je ne peux pas revoir. Alors que c'était du très grand cinéma et que je m'en veux chaque jour de ne pas pouvoir revoir ça, c'est par exemple, bon, si ça ne fera pas l'unanimité, parce que voilà, c'est Amour de Michael Haneke, qui est un film qui parle du thème qui me touche peut-être le plus, pour plein de raisons, qui est le thème de la désagrégation, en fait. De la désagrégation. C'est-à-dire qu'on se transforme avec l'âge en être dépendant et incapable, en fait, de se... Ah oui, je connais un petit bien peu. Sûr. Moi, c'est un... C'est un petit peu mon moi, quotidien. C'est un thème qui me fascine. Alors, pas moi. Hein. Voilà, moi, c'est un thème qui me fascine, mais qui me fascine aussi. Qui, c'est pas un thème facile. Mais alors, ce truc-là, Amour, j'ai... Voilà, pour moi, c'est l'immense cinéma. Je le mets dans le top 10, top 5 de tous les films de ma vie sans problème. Mais je ne peux pas regarder ça. Je ne peux pas le revoir. Parce que ça va trop loin. Très compliqué. Parce que ça va trop loin dans mon émotion. Ça va chercher trop profond. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses que j'ai. je n'ai pas envie. En fait, ça nous ramène, ça nous met face à, à un futur potentiel, mais même à une condition. À une condition, et ça, c'est pareil dans les Bergman. Hein, ça me met aussi face à ma condition d'être humain, de tout petit grain de sable. On est insignifiant. Et ce thème de la dépendance, pour moi, c'est le thème qui l'explore le mieux au cinéma, qui est que, bah, quoi qu'il arrive, il y a un jour où tes facultés vont décliner. Et voilà, donc moi, c'est un thème qui me fascine, qui me passionne, mais qui me terrifie. Et c'est vrai que moi, ce film-là, qui n'est pas un film d'horreur, me terrifie plus que n'importe quel film d'horreur. Alors que je suis très fan du genre. Moi, c'est très intéressant. J'ai plein d'exemples comme ça. Et derrière, voilà, dans chaque genre, après, on a tous nos exemples de films qui nous font particulièrement rire. Bon, voilà, moi, c'est les 22 Jump Street et ce genre de choses. Films qui nous font particulièrement tirer les larmes, si j'ose dire. Voilà, il y a plein d'exemples différents. Les films, les premiers essais de Tim Burton, voilà, ce genre de choses. Mais en fait, voilà. Moi et toi, Romain d'Argent. C'est ça. À chaque genre, en fait, appartient son émotion. Et évidemment, je pense que tout le monde a plein d'exemples. Alors peut-être pas de films, on y reviendra peut-être plus tard. Puis pas que de films. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais voilà, tout le monde a des exemples, je pense, dans sa vie, de livres, de musique, que sais-je, qui touchent. C'est tout à fait possible. Ouais. C'est très ça, en fait. Morgane, du coup. Ouais, moi j'ai un exemple assez tout récent, et alors je m'y attendais pas, et comme quoi je pense que plus on évolue dans la vie et plus il y a des films qui vont nous toucher sans qu'on s'y attende. C'était, je me souviens, il y a 2 ans, je regardais Maman, j'ai encore raté l'avion, si vous en souvenez bien. Oui, ouais, ouais, très bien. Et c'est un film qui m'amuse de base, et à la fin, j'étais avec mon copain, je regardais le film, voilà, j'adore. Et souvenez-vous de la scène de fin où Kevin va devant l'arbre de Noël? Et je sais plus, Rockefeller Center là. Et il fait un vœu, il dit je demanderai rien en échange, je veux pas de cadeau, je veux juste revoir ma mère, ne serait-ce qu'une minute. D'avoir entendu ça, je me suis effondré en larmes, parce que forcément ça me rappelle un truc. Et depuis, quand ce passage arrive dans le film, ça me prend à la gorge. Et j'ai un exemple pareil, un truc, alors c'était il y a 10 ans que j'ai vu ce film-là. C'était un film avec Vera Farmiga qui s'appelle, et Asa Butterfield, qui s'appelle Le garçon au pyjama rayé. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne spoilerai pas la fin, mais la fin de ce film-là m'avait tellement bouleversé. Ça m'avait touché. C'est un film sur les camps, ça, non? Oui. Sur les camps, ouais. Et en fait, je m'étais enfermé dans la salle de bain et en larmes. Ouais, la fin était terrible. Et il y a un film que je me refuse de voir parce que je pense que ce film-là, je ne le verrai jamais parce que je connais la fin. C'est Marley et moi. Jamais je ne regarderai ce film parce que depuis que j'ai un chien, je sais comment se termine le film et j'ai vu la scène un petit peu, j'ai vu 20 secondes, je me suis effondré, j'imaginais, je sais qu'un jour ça risque d'arriver, et j'ai cru que ça allait arriver plus vite que je le pensais, si vous suivez, d'ailleurs merci encore Eddie et merci à tout le monde pour vos petits dons. Et c'est vrai que ce film-là me renvoie à quelque chose que je sais que ça peut arriver. Comme Adrien avec amour, et en fait je suis un peu dans le déni. En fait, je vais peut-être pas au cinéma pour voir ça. Et j'adore Amour, attention, c'est un film qui est magnifique, très grand cinéma, magistral. Mais j'en parlais avec Fabien. Tu le vois une fois en fait. Ah mais Fabien, par exemple, je parle en son nom, il m'a dit je ne verrai pas ça. Je vais pas au cinéma pour souffrir comme ça. Je veux pas qu'on me mette dans la gueule ce qui va arriver non peut-être plus, un jour. C'est le genre de film que je verrai, mais pas au cinéma. Ah ouais, c'est clair. Je me souviens quand je l'avais vu. Oh là là, putain, le silence de mort, sans mauvais jeu de mots, dans la salle. C'était invraisemblable. Avec des vieux. Ça, je suis d'accord. J'ai jamais eu un silence d'une qualité comme ça. Hein. C'est horrible. Ouais, Mélancolia. Tout à fait. Mélancolia, ouais. Et j'avais exactement ça en tête. On était 4 dans la salle. J'avais jamais vu ça. À la limite, c'est poétique, Mélancolia. C'est tellement fat. C'est terre à terre. C'est trop cru. Mélancolia, je pense qu'il y en a beaucoup qui dorment. J'aime beaucoup, mais clairement. Voilà. Ah, moi j'adore aussi, je trouve ça très beau. Bah, pareil, c'est pas un film que je prendrais plaisir à revoir, Mélancolia. Ah non, mais pareil, je l'ai vu une fois, ça suffit quoi. Pizza, Mélancolia et Coca. Non, bah, non, tu vois, ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas le bon. Tout Lars von Trier en général, tout Lars von Trier. Ouais, c'est clair. C'est pas le genre de film que tu vois. Et toi, Eddie, du coup, t'avais un. Bah, en fait, j'ai des films. Alors, je sais que, par exemple, si on veut parler des films d'horreur, bah, c'est assez compliqué. Il n'y a pas beaucoup de films qui me font vraiment peur. genre tout ce qui va être histoire de fantômes et tout. Le dernier qui m'avait marqué, et je revois aujourd'hui, mais plus parce que je le trouve très bien fait et prenant, c'est le, ah oui, le premier oui, Conjuring. Oui. Qui ouais, m'avait vraiment, vraiment plu. J'avais, enfin, je trouvais que voilà, ça fonctionnait bien et que c'était bien joué. Enfin, c'était assez crédible, en fait, dans la manière de faire. C'est il y a une réalisation complètement dingue par rapport à comment le film est vendu. En fait, c'est typiquement le sujet qui aurait pu être traité de manière très banale par plein d'autres réals, mais là, c'est fait vraiment très bien. Et après, en termes de film qui me provoque des émotions fortes, bon, ça, j'en avais déjà parlé à... dans un podcast, ben, il y a Ma meilleure ennemie, avec Julia Roberts et Suzanne Sarandon, parce que du coup, il y a une scène, pareil, qui me... Alors que c'est un film de Chris Columbus, enfin, très familial et tout, mais il y a une scène, moi, qui... Voilà, j'ai les larmes à chaque fois, j'arrive pas à... Et par contre, j'ai en tête aussi des films auxquels j'ai associé des émotions, mais de ma vie perso. Évidemment. Et ça, c'est très particulier comme expérience. Donc, un film, alors, pour le coup, c'est... C'est complètement... Enfin, ça fait bizarre même de dire ça, mais genre la suite des 101 Dalmatiens, la version live, qui a eu les 102. Oui, oui. Et en fait, c'est un film que j'ai eu beaucoup de mal à revoir. Faut avoir envie de le revoir, vous me direz. Ouais. Mais j'ai eu beaucoup de mal à le revoir, parce que... Mais pas parce que c'est pas foufou, mais c'est qu'en fait, c'est un film que j'ai vu pendant le divorce de mes parents. Et en fait, j'ai vraiment ce souvenir de moi être dans la salle à manger... et de regarder ce film là en cassette à l'époque en VHS et d'avoir mes parents plus loin en train de clouer en fait leur mariage quoi vraiment d'acter la fin de leur vie conjugale quoi donc du coup ça et c'est vraiment quelque chose qui m'est resté en tête pendant des années et je n'arrivais pas à le revoir parce que j'avais trop j'associais trop ça à ce moment là maintenant c'est bon c'est un peu passé mais c'est comme quoi c'est des trucs non mais bons, ça c'est un film qui touche, voilà, c'est... tout le monde tu sais c'est le thème de la mais du coup ça fait aussi partie de l'émotion que tu peux associer enfin qui est indirectement associée au cinéma c'est le thème de la fameuse musique de rupture tu sais des gens qui moi c'est mon cas il y a plein de gens pour qui c'est mon cas mais pas forcément pour des ruptures amoureuses d'ailleurs qui ne peuvent plus ça aurait pu être autre chose ça aurait pu être un décès ou certaines musiques parce que j'écoutais à ce moment-là quand je savais pas que l'horreur allait arriver, quelle que soit l'horreur, cette musique-là, où je regardais cette série-là, moi j'ai un exemple comme ça, d'une série que je regardais pendant qu'il y avait une agression de quelqu'un qui m'est cher en même temps, et je savais pas qu'il se passait ça, et ce truc-là, j'ai arrêté de le regarder, parce que j'associais... Bah oui, c'est logique. En plus, je me disais, pendant que je regardais ça, je faisais pas attention, et peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. En plus, il y avait ça, mais ça c'est encore autre chose. Mais tout ça pour dire qu'évidemment, l'art échappe pas à ça. L'art échappe pas au fait que parfois, ça coïncide avec des événements dramatiques, peut-être, mais l'inverse est aussi possible. Ce qui fait qu'on peut juste pas revenir vers ça, en fait. Mais l'inverse, ouais. Mais j'avais vraiment ce sentiment... ça m'ennuyait vraiment, en fait, de... Pourtant, c'était... Mais comme je dis, hein, c'est beau, c'est un film c'est parce qu'on vraiment sent mineur de ses émotions, quoi, mais, c'est ça qui est... mais en fait, le sentiment d'associer ça à ce souvenir-là, ça m'ennuyait, en fait. Ce que je me dis, c'est dommage. Enfin, tu vois, je sais pas, j'arrive pas trop à l'expliquer. Mais il y avait vraiment... Pour le coup, c'était vraiment une affaire d'émotion et de sentiment, ça. Et ça m'a vraiment marqué. Après, il y a d'autres films qui m'ont vraiment touché, ému, comme ça. Et pas forcément que dans les larmes. J'ai des films qui m'ont provoqué du dégoût, aussi. Pareil, alors pourtant c'est des films assez mineurs, mais je me rappelle que entre copains, quand on était ados, j'ai une copine qui s'était mise en tête, on fait une soirée film d'horreur. Bon. Et elle avait trouvé des films d'horreur, mais là c'était pas les films pour me faire peur, c'était les films gore. Et moi j'aime pas le cinéma gore. Et elle avait trouvé les deux premiers Détour mortel. Bien, j'ai trouvé ça en fait. Moi j'avais jamais été trouvé le gore deuxième est immonde, hein. Même moi qui suis très fan de cinéma gore, et voilà. Et du coup, c'est vrai que ça m'a hanté, mais c'est à tel point que quand je suis rentré chez moi à l'époque, je roulais en scoot dans notre petite campagne, on roulait en scooter. J'étais pas bien, j'avais toujours peur qu'il y en ait un qui débouche. Timothée Chalamet de la Vendée. Et pourquoi Timothée Chalamet? Bah, il roule en scooter dans Call Me By Your Name. Non, en vélo. Et ah bon, c'est avec la pêche. Oui. Bah oui. C'est pareil. Et je me rappelle que la nuit qui a suivi, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à éteindre la lumière et j'avais vraiment ce dégoût. Mais tu sais, presque moi, avoir la nausée fait ça, en fait. Ouais. Alors c'est fou ça. Rien à foutre. Et là, je sais qu'il y en a un ou moi qui va hurler. C'est la première fois que j'ai vu le King Kong de Peter Jackson. La séquence que tout le monde a cette séquence en tête, qui est la séquence où ils sont dans le machin avec les insectes et où il y a un mec qui se fait bouffer la tête. Oui, un mec dans qui la se fait bouffer la tête par Allez, Andy Serkis, ouais. Par une espèce de sangsue machin. Bon, c'est affreux. Rien à faire, hein, je te le dis clairement. Mais moi, ça m'avait fait ça. J'avais pas dormi parce que je me disais, oh, c'est ignoble. Il y a un truc qui m'a fait ça récemment, mais c'était pas parce que c'est gore. C'est un court métrage qui s'appelle Lights Out. Qui a depuis été. Qui est exceptionnel. Oh là là, oui. Peut-être à chaque fois que je me fais des sessions court-métrage, j'envoie celui-là à chaque fois. Qui ouais. Un très très grand court-métrage horrifique d'une minute et demie, de minutes. Qui est réalisé par David S. Sandberg, qui depuis s'est complètement vendu au Capital et qui fait. Mais c'est ça, ça avait été, oui, ça avait été adapté en film, en film tout pourri en plus. Depuis, c'est complètement vendu, puisqu'il fait maintenant les films. Ouais. Oui, le court métrage était assez flippant. Oui, le film Shazam, faut savoir. Mais ce truc-là, ah oui, je n'ai pas dormi de la nuit une fois que j'ai vu. Bah, c'est très. En même temps, c'est parce que c'est type. C'est vraiment. Oui, là, c'est pour ça. Le coup, mais c'est moi, le côté, moi, les, déjà, vraiment, déjà n'importe quel bruit de pas dans les films, ça me terrifie. Donc, voilà. Après, chacun ses trucs. Mais... D'accord. Voilà. Ouais. D'accord. Okay. Mais oui, moi, j'ai une dernière anecdote, alors qui est un peu triste. Il y a un film dont je ne connaîtrai jamais la fin. C'est un film que j'ai regardé le soir du 1er avril 2020 et c'était Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Et j'ai eu le fameux appel un peu brutal et je n'ai jamais vu la fin. Je pense honnêtement, parce que j'ai fait mon deuil, tout va bien, je pourrais le revoir, mais j'ai pas envie de retenter. Non, parce qu'il faut pas se, parce qu'il faut pas se violence. C'est un film dont je ne connaîtrai jamais la fin. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. Je me dis. T'imagines. Puis un jour, tu te diras, tiens, je le reverrai bien. Tu fais ce que tu veux, tu peux te divertir comme tu veux, et tu vas te dire, ah, je vais me faire violence, je vais voir ça. Enfin, à un moment, non. Bah non. Ça va pas très sain en plus. Ou ça va. C'est clair. Voilà, c'est pas grave. C'est le meilleur moyen de te remettre dans le pour 10 ans. Hein. Revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, tu n'as aucune obligation de voir tous les films d'un tel ou d'un tel ou d'un tel pour être considéré comme légitime dans le débat, franchement. Et puis subjectivement parlant, vu qu'on en revient à la subjectivité, oui, j'aime bien le remake. J'avoue que la première fois que je l'ai vu, je me suis ennuyé. Pour de vrai, je l'ai vu, j'aime bien. Je trouve qu'il est moins lent. Mais bon, voilà, ça c'est. Ouais. Je préfère je préfère le remake qui ne dit pas son nom, là, avec Shia LaBeouf, là, paranoïaque. Ah, paranoïaque. Bien sûr. C'était chouette, ça. Du coup, je voulais. On va. Ouais, on dérive vers les jugements coupables. Parce que là. Voilà, c'est vrai, c'est clair, mais du coup, oui, on va bientôt conclure. Du coup, tu parlais justement, Adrien, d'autres formes. J'avais mis dans le conducteur qu'on pourrait parler avec d'autres formes d'art, la musique, la littérature, la peinture. Est-ce que l'émotion c'est tout autant ou moins un critère d'appréciation que pour le cinéma? Moi, personnellement, pour parler rapidement, quand je vais lire un livre ou quand je vais écouter de la musique, je vais principalement aller vers l'émotion et rarement vers la technique. Mais laquelle, est-ce que t'as une émotion en tête ou est-ce que c'est toujours pareil, c'est plein d'émotions diverses? Ben, c'est vrai que quand j'écoute de la musique, bon, à part écouter des groupes qui, des groupes rigolos, il y a peu de musique qui te font rire, tu vois. C'est compliqué, hein, de transposer complètement. C'est plus compliqué, mais ouais, effectivement. Plus comme on parlait au début en fait de l'affect du ressenti la petite larmichette, des choses comme ça, mais quand je lis des romans, etc., c'est plus vraiment je vais pas faire trop attention à la prose, etc. Ça peut être un peu mal écrit. Si l'histoire est pas si le fait vraiment le cœur de l'histoire est intéressant, moi je peux passer outre. Et en plus, si et vraiment Si en plus on peut rajouter du sentiment, de l'émotion dedans, c'est vraiment ce qui me cherche. Tu vois, typiquement, j'adore lire, mais voilà. Je suis toujours très admiratif de ma copine qui est capable de fondre en larmes devant un bouquin. Moi, je peux devant un film. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Hein. J'adore lire. Hein. Je suis vraiment, je lis tout le temps. Hein. Ouais. Tous les soirs, je bouquine. Toujours avant de dormir. J'ai pris l'habitude. J'arrive plus à écrire non plus. Mais oui, donc voilà, mais évidemment que ce qu'on a dit sur le cinéma, ça se transpose, je pense, moi, à tous les arts, hein, d'une façon ou d'une autre. Il y a plein d'exemples. Il y a moi, je pensais au portrait, par exemple, de Saint-Sébastien par Andrea Mantegna, celui qui est au Louvre, là, avec on voit Saint-Sébastien qui est criblé de flèches. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, celui-là. Et tu ressens, la violence quand tu regardes ça. Hein, comment dis-tu ? Le Saint-Sébastien d'Andrea Mantegna. Il est au Louvre. Oh putain, il me fait chier ce VPN. Pardon. Ah non, chaque fois, faut vérifier. Oui, vous n'êtes pas un robot. Non, je ne suis pas un robot. Pas depuis hier. Saint-Sébastien d'Andrea Mantegna. C'est une fresque, c'est une peinture traditionnelle d'un martyr qui est criblé de flèches. Et tu ressens. Ah oui, d'accord, oui. Il y a plein d'autres exemples. Alors, en peinture, il y a le cri, le cri où pour moi, c'est juste impossible de regarder ça sans avoir peur. Non seulement du visage de la personne, mais aussi d'imaginer ce qu'elle voit pour qu'elle crie comme ça. En musique, il y a les chansons de Barbara, il y a Stromae. Je pense pas à tout ça. Voilà, ça me fait ressentir des émotions très fortes. Dans les bouquins, quand j'étais gamin, il y avait Charles de Poule et tout comme ça, qui sont faits pour ça. Et enfin, un jeu vidéo, moi récemment, j'ai été très touché par le thème de la parentalité et de l'abandon dans Ori and the Blind Forest, qui était un très très beau jeu, ou encore j'étais très très effrayé par Little Nightmares, qui sont, voilà, donc tout ça pour dire que ce qu'on a dit pour le cinéma, pour moi, ça se transpose complètement aux autres arts, et en fait, on est plus ou moins sensible à tel art ou à tel autre, c'est ça qui est intéressant. C'est clair. Mais c'est vrai que moi, personnellement, tu vois, si je parle de musique, par rapport au cinéma, si je compare la musique au cinéma, la musique, la technique en musique, j'en ai quasiment rien à foutre, en fait. Vraiment. Puis faut s'y connaître aussi. Ouais, c'est. Mais, enfin, je veux dire. C'est un mec à écouter de la musique, films, vraisemblablement, il va être comme nous. Hein, il va y trouver plein de qualités techniques, il va savoir distinguer des genres. Moi, je suis incapable de distinguer les genres en musique. Hein. Parce qu'on voit, quand Alexandre Astier me parle de Bach et tout ça, je trouve ça hyper intéressant, mais j'y comprends rien. Hein. Mais par contre, c'est hyper intéressant à écouter. Comme quoi, bon. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, ça, en fait, moi, personnellement, ça dépend vraiment de la forme d'art. Je vais pas chercher la même chose, j'avoue. Moi, sur la musique, j'avoue, là... Moi, c'est juste rien que de m'amuser en écoutant. Je disais tout à l'heure, je prenais une douche, c'est vrai, en écoutant du Annie Cordy. C'est peut-être pas de la grande. Mais m'en fous, je rigole parce que c'est mignon, je rigole pas parce que c'est ça. Pardon, vas-y. Moi, la musique, je disais que je rigolais parce que c'était mignon, pas parce que c'était nul. Hein. Je jugeais pas quand j'ai. Bah oui, mais c'est mignon, Annie Cordy. Ouais, moi, la musique, c'est situationnel, en fait. Ouais, c'est ça. C'est quand je pars au boulot, donc là souvent c'est de la musique un peu plus rythmée, ce qui me fout de faut que ça bouge du peps. Ça dépend de tout le monde, mais oui, du coup je pense qu'on va conclure. Il y a un là, truc juste, que... juste ajouter un tout petit truc, ça va faire beaucoup plus. Mais si vous aviez quelque chose à rajouter, je vais vous laisser dernier petit mot, et puis j'ai aussi un gros truc, c'est d'écouter les musiques de films. Alors là, c'est encore plus vicieux, tu vois ce que je veux dire, parce que et faut savoir que la musique d'un film va pas nécessairement me faire ressentir la même chose que le film. Quand j'écoute la musique de n'importe quel Tim Burton, Elfman, ce genre de choses, ça me met dans une ambiance un peu de calme et de zénitude qui me permet de bosser, mais je pleure pas en écoutant la musique. Quand je regarde Dans le Moins d'argent, tu peux être sûr que je m'effondrerai. Hein. Ça, c'est encore intéressant, c'est-à-dire que des choses qui sont très liées, qui sont liées de fait parce que c'est la même œuvre, séparées, ne vont pas nécessairement te faire ressentir la même chose. Ouais, mais oui. C'est clair. Winona qui danse sous la neige et juste ouais. la musique, c'est pas la même chose. C'est ni moins bien, mais c'est juste autre chose, quoi. C'est la scène, quoi. C'est clair. Edith, t'avais quelque chose à rajouter là-dessus ou on conclut ? Non, enfin moi aussi, il y a des jeux vidéo qui m'ont fait pleurer oui. dernièrement. Enfin, c'est toujours les mêmes, hein, d'ailleurs. Mais... Ouais, je suis curieux de savoir lesquels. Le titre, vas-y. Ah bah, moi, là, dans Red Dead Redemption 2, évidemment, là, voilà, là, ça fonctionne beaucoup à l'émotion. On passe tellement de temps avec ce personnage. C'est cinématographique, et voilà. En plus. Et il y a plusieurs... Il y a une première fin, en fait, c'est la première fin du jeu qui est vraiment... qui est assez forte en émotion. La deuxième aussi, mais différemment. Mm-hmm. Et puis The Witcher 3. Ouais. Et voilà, pareil, là, en termes d'émotion, enfin, c'est tellement bien écrit que du coup ça marche. Mais après, je vais dire un truc tout con, hein, mais je sais que moi maintenant, parce que je pense que j'ai grandi, mais je sais qu'à l'époque où quand je jouais, j'y joue toujours, mais quand je jouais aux Sims, c'est tout con, hein, mais quand j'ai commencé à jouer aux Sims, ben, en fait, quand ils mouraient, et ben, j'étais tellement impliqué dans la vie de mes personnages que je le vivais mal. Le deuil, alors, ça allait pas jusque-là, mais c'est vrai que bah, ça me faisait chier, quoi. Enfin, tu sais, tu les mènes du berceau au tombeau, quoi. Donc, Mais c'est... Oui, oui. Et comme quoi, ça tient à pas grand-chose. Alors après, ça, là, c'était pas comparable à d'autres trucs que tu portais quand même du noir pendant une semaine. Et il y avait toujours ce... On m'en a parlé. Non. Mais il y avait ce petit... Il y avait ce petit pincement au cœur. Tu te dis, merde, quoi, c'est vrai, finalement. Et il a vécu ça, il a vécu ça. C'était complètement con, parce que c'est qu'une suite de 1 puis de 0. Mais... C'est clair. L'émotion, c'est pas rationnel, en fait, non plus. C'est le principe. C'est ça. Donc, Morgane, sinon, non. Morgane, t'avais quelque chose à rajouter, c'était bon ? Oui, non, c'est bon. Tout va bien. Tu sais, je me disais, si c'est bon. Non, mais tout va bien, non ? Du coup, j'ai pas de jeux qui m'ont fait... Oui, des jeux qui me font peur, mais oui, normal. Non, et puis j'ai pas de livres qui m'ont bouleversé, non, pour le coup. Non, récemment, vraiment, Ori, ça m'a foutu partout. Ouais, vraiment pas, pour le coup. Ouais. Donc concluons sur ça. Si vous avez d'autres choses à apporter, évidemment les commentaires sont et là. Et pas seulement pour le référencement, parce que ça intéresse de savoir ce que disent les gens. Mais c'est aussi pour le référencement. Ouais. Voilà. Mais oui, du coup, évidemment, moi, en fait, quand j'ai écrit le titre de la conclusion dans le conducteur, je voulais marquer finalement, est-ce qu'on serait pas tous amis ? Et on dirait que chacun vit ses films comme il le sent. Exactement. Voilà, je pense que c'est une belle conclusion. Mmh. Et ça va nous amener tout de suite à la dernière rubrique de ce podcast, qui sont les Minutes Nerd. C'est parti. On est donc à la dernière rubrique de ce podcast, numéro 58, et c'est les Minutes Nerd. Je vais commencer avec Morgane. Allez, vas-y. Alors, ce ne sera pas un film, ce ne sera pas un livre, ce ne sera pas... Ce que j'étais en train de me dire. Ce n'est pas un film. Voilà. Non, mais c'est... rien de tout ça. Je vais vous conseiller un jeu, et pas un jeu vidéo. Je vais vous conseiller une appli. Une appli que vous pouvez télécharger et sur l'App Store et sur Google, qui est sortie récemment, je crois, mais avec... dont je suis totalement accro, c'est l'appli Monopoly Go. Je peux vous garantir, si vous aimez le Monopoly, vous téléchargez cette appli, je pense que vous tapez vos meilleures nuits blanches. C'est ultra addictif. Ça fonctionne un peu de la même manière que Coin Master. C'est-à-dire, voilà, on capitalise pas mal d'argent et puis voilà, on attaque les propriétés des autres. Donc, vos amis peuvent, voilà, vous pouvez vous ajouter mutuellement. Donc, ça peut créer des guerres mondiales entre vos potes. Okay. Mais franchement, c'est super sympa. Je suis pas du genre à télécharger des jeux sur les applis et tout. Ça m'amuse que très, très peu. Mais là, j'avoue, non seulement je me suis laissé prendre au jeu totalement et même que j'ai dépensé de l'argent. Parce que ce qui est c'est qu'au début. Ah, le piège. Il est tombé dedans. Le piège. Je suis un peu tombé dedans, mais ça va, 2,50€, ça va. Parce qu'en fait, vous avez des lancers de dés qui sont limités. C'est-à-dire qu'au début, vous avez, je crois, 200 lancers de dés, puis après, c'est 5 lancers de dés toutes les heures, en fait. Et vous pouvez acheter 100 lancers de dés pour 2€. C'est comme ça qu'ils tombent. Ouais, mais j'ai succombé. Ça fait 3 jours que j'y suis. Je crois que j'en suis. Je suis au niveau 271, c'est parfait. Ça fait 3 jours que tu... Ça fait 3 jours que j'y suis, ouais. Ça fait 3 jours que j'y suis. Ah ouais, d'accord. 3 jours, ouais. Et franchement, c'est cool, voilà. Non, tentez. Okay. Après, si vous aimez pas, vous installez, quoi. C'est gratuit. Okay, bon. Moi, je t'avoue que le Monopoly. Moi, j'adore ça. Hein, j'en ai... C'est pas mon kiff. En fait, déjà, c'est, je trouve ça très chiant dans la vraie vie parce que c'est long, en fait. Ouais. Bah, y a d'autres jeux de société qui sont. T'as jamais joué Monopoly de Je préférais la bonne paye, moi. Le Monopoly Spider-Man de Sam Raimi aussi. Ok. Ah ouais, les dérivés de Monopoly. Ah. Non, moi je joue au Uno sur mon portable. Et j'attends. Très bien. Ok, bah merci Morgane pour cette recommandation application. J'ai envie de Et dire. C'est gratuit en plus, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Moi je joue au compte personnel de formation en ce moment. Bah du coup, Adrien, vas-y, je t'en prie. Donne-nous ta Ouais, main. Alors j'ai choisi, comme d'habitude, j'en avais plein, mais j'en prends qu'un. Voilà. Je lis en ce moment un livre, les premiers tomes de mémoire en trois tomes, ouais. D'Andrea Perron, qui s'appelle House of Darkness, House of Light. Andrea Perron, c'est une personne qui a vécu aux États-Unis dans les années 70, entre les années 70 et 80. Eh ben, c'est dans une grande maison. Oui, ben c'est, grande... c'est Conjuring. Oh, mais tu m'as grillé mon truc. Oui, voilà, c'est donc, la famille donc, Perron. Donc elle vit dans sa maison, elle vit dans sa maison avec ses enfants, mais ses mémoires ont une particularité, c'est une personne qui raconte sa vie sur sa famille, mais qui raconte aussi qu'elle a été victime, et pas seulement victime d'ailleurs, qu'elle a aussi bénéficié, parce que c'est ça qui est intéressant, d'esprit dans sa maison. Et donc c'est cette famille qui a inspiré le film Conjuring, mais attention, le film Conjuring, il se base que sur l'horreur qu'elle a rencontrée, c'est-à-dire le démon Bethsaba dans sa maison. Et bah, puis sur, or, les mémoires, sur les Warren aussi. Ouais, or les mémoires, c'est beaucoup plus complexe et humain que ça. Mm-hmm. Elle raconte en fait comment ses relations avec ses filles dans la maison et comment la relation avec les esprits lui a apporté, malgré l'horreur. Mm-hmm. Et c'est vraiment beaucoup plus des mémoires qui parlent d'une vie qu'un bouquin sur une maison hantée. Et heureusement, parce qu'en tout, ça fait quand même à peu près 2000 pages. Ah oui, mais, ah ouais. C'est en anglais. Mais voilà, je lis ça en ce moment, c'est en anglais. C'est en anglais, ouais, uniquement. Donc forcément, oui. Bon, c'est un truc de niche totale, hein, ouais. Mais enfin, moi, ça me passionne. Je t'avoue, ça parlera à une ou deux personnes, mais je pense qu'ils vont être contents de découvrir ça. En tout cas, sachez que si vous aimez Conjuring et si vous avez envie de savoir un peu les faits réels, entre guillemets, en tout cas les faits qui sont racontés par Andrea Perron, je vous le recommande, c'est très intéressant. Très bien. Eddie ? T'as oublié ? Si, en fait, c'est que j'en ai une autre qui m'est venue et du coup j'étais en train de me décider sur laquelle j'allais choisir. J'ai une appli ou un jeu vidéo. Donc, vu que je parle toujours de jeux vidéo, je pense que je vais quand même partir sur l'appli. Vas-y. De toute façon, pour la prochaine émission. Grindr ! Alors, pas du tout. Pas du tout. Non, ce serait. Mais je pense que c'est assez connu. Mais Axel connaît d'ailleurs, il est dessus. C'est Duolingo. Mm-hmm. Ah oui. Est-ce que du coup, moi je me suis mis à réviser mon anglais, justement. Et d'ailleurs, j'étais content parce que mon niveau n'était pas si pourri que je le pensais, donc c'est bien. Mais oui, on passe notre temps à regarder et à lire de l'anglais. Et du coup, je me suis mis par contre à apprendre l'italien de zéro. Et bah, je suis content parce que ça progresse bien, même si l'appli a des défauts. Alors l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est assez ludique. Elle est assez ludique, bien faite, même rigolote un peu par moment, parce qu'ils ont vraiment tourné le truc pour que ça soit agréable. Le seul problème, c'est que là, par exemple, sur l'italien, il y a des fautes que je fais systématiquement, mais l'appli ne t'apprend pas à ne pas les faire. Oui, parce qu'il les corrige automatiquement des fautes d'orthographe. Alors déjà, quand on fait ça, il faut aussi penser à passer son téléphone dans une autre langue, en tout cas ajouter une autre langue. Donc moi, du coup, le clavier. Oui, le clavier. Ouais, du coup, le mien est en français, anglais et italien maintenant, parce qu'il y a des accents qu'on n'a pas dans telle langue, etc. Et non, le seul souci que j'ai avec l'appli, c'est que elle t'explique pas pourquoi dans cette langue-là précisément tu dois écrire ça comme ça plutôt que comme tu penses que toi tu devrais l'écrire. C'est un peu c'est un peu ce que je trouve dommage, mais sinon hormis ça, l'appli est très bien et je pense honnêtement que bon, tu deviens pas bilingue avec cette appli, hein, mais que tu te retrouves quand même avec des bonnes bases pour voyager et tout ça. Donc c'est plutôt cool et c'est gratuit en fait. Il y a juste quelques pubs mais qui sont pas insurmontables comparé à d'autres applis. Donc non franchement c'est bien, c'est une bonne appli. C'est bien, hein, je suis d'accord. C'est vrai. OK, bah nickel. Et du coup moi je vais vous parler d'une, on va dire, une émission YouTube, même si on peut la retrouver sur, en podcast sur Spotify. Moi, je la consomme des deux manières quand je peux. Ça s'appelle La Bonne Auberge, et en fait, c'est un... Alors, il va falloir que j'explique, c'est un actual play, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui jouent à Donjons et Dragons, voilà. Donc, il y a un maître du jeu qui compte l'histoire, et des joueurs qui font l'histoire en même temps. Donc, bon, si vous avez jamais joué, ou même si vous connaissez pas vraiment Donjons et Dragons, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Si vous avez... Moi, j'ai pas vu le film, je sais pas ce qu'il vaut, je sais que Morgane en a pensé... moyennement. Ouais. Voilà. Non, franchement, ça se regarde. Voilà. En tout cas, je pense que c'est mieux que le premier film qui est sorti dans les années 2000, qui est c'est assez pourri. Ça, oui. Mais du coup, voilà, si vous y connaissez vraiment rien, c'est vraiment cool. Il y a 3 saisons, et ça s'écoute plutôt bien, même à l'oral, même si à l'audio, y a des petites figurines sur la vidéo YouTube, donc c'est plutôt cool de voir, même visuellement, quand les personnes interprètent des personnages, de voir les expressions faciales, ça peut aider parfois. Mais honnêtement, moi, quand je vais promener le chien, par exemple, ou des choses comme ça, ou quand je suis dans les transports, je me l'écoute, et c'est vraiment cool. Les gens qui participent aussi sont vraiment très drôles, et voilà, ça se prend pas non plus trop au sérieux, et l'histoire est intéressante à suivre. Donc voilà, si vous y connaissez vraiment rien à Donjons et Dragons, les 2 premières saisons sur la chaîne Le Bon Nerd, et la 3e saison est sur la chaîne La Bonne Auberge, puisqu'ils sont devenus indépendants depuis la 3e saison. Ils ont fait un Kickstarter qui a très bien fonctionné, et du coup ça fonctionne plutôt bien pour eux, donc c'est cool, et je vous conseille vraiment, si vous y connaissez rien, au moins tenter l'épisode 1, et puis si ça vous plaît pas, tant pis, mais voilà, l'épisode 1 il dure 30 minutes, et c'est une version condensée, donc c'est plutôt cool, et voilà, des gens sympas qui font du Donjons et Dragons, et moi comme j'ai pas l'occasion, j'ai plus trop l'occasion de participer ou de jouer ou de actuellement, puisque voilà, j'ai ma vie de famille maintenant. je substitue avec des actual play, et celui-ci est vraiment un des meilleurs que j'ai pu écouter, donc vraiment voilà, je vous le conseille. Bah voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit pour ça, et ben on va finir l'émission. Le site web, c'est toujours movienerd.net. Vous pouvez retrouver les podcasts et quelques critiques de temps en temps. Voilà. Les réseaux sociaux, donc sur Facebook, c'est moviesnerd, sur Twitter, movies_nerd. On a aussi Instagram, moviesnerd_officiel. Voilà. Le mail, au cas où, si vous voulez nous contacter, contact@moviesnerd.net. On a une chaîne YouTube aussi, voilà, où on poste les podcasts en audio, donc si ça se trouve vous nous écoutez en ce moment là-bas, voilà. Et puis si vous n'êtes pas, ben abonnez-vous soit sur YouTube ou alors sur vos applis de podcasts préférés, Spotify, PodCloud, etc. Donnez des étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est la mieux d'ailleurs. Pardon ? Moi, je suis que sur Spotify, mais c'est vrai que j'en ai jamais trop essayé d'autres. Apple Podcasts, Spotify. Spotify pour les podcasts, c'est vraiment cool. Sachant que je ne sais pas par quel moyen, comment ça se fait. J'ai remarqué ça récemment sur notre Spotify. Il n'y a pas les 2 émissions qu'on a fait, Bilan de la décennie 2010. Ah, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai utilisé des musiques qui ne plaisaient pas à Spotify ou des choses comme ça. Donc, si vous voulez les écouter, allez sur YouTube ou sur notre site web. De toute façon, sur le site web, il y a toutes les autres applis disponibles où ils sont. Parce qu'en fait, il est partout sauf sur Spotify. Voilà. Et c'est... je ne sais pas pourquoi. Bref. Okay. Voilà. Et moi, personnellement, vous pouvez me retrouver très rarement sur Twitter. TheLexal, LEXAL, pardon, sur Movies Nerd, en fait, ouais, alors, voilà. Quand on fait les podcasts, on va essayer de revenir un peu plus souvent maintenant que le bébé est géré à peu près, c'est-à-dire qu'on gère à peu près son heure de coucher, etc. Donc c'est plutôt cool, on peut se permettre de faire des petits podcasts comme ça. Et ensuite, je vais passer la main à Eddie. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Comme d'habitude, c'est sur YouTube, sur Discord et sur Steam, et c'est Eastark ou Eastark 91 ou Eastark Play. C'est l'un des 3. un des trois à tester. De toute façon, voilà. les liens seront dans, sur l'article du site ou sur, dans les descriptions de vos applis. Adrien ? Oh bah moi, on ne peut plus me retrouver tellement nulle part. Hein. J'ai plus tellement de réseau ni rien. Mais ouais. J'essaie de poster sur ma chaîne YouTube le podcast dans l'ombre maintenant. Alors, plus du tout du podcast face caméra et du commentaire. Ça, j'ai complètement lâché l'affaire. Mais des montages. Ouais, très bien. Je fais des montages, je fais des montages en musique. C'est... voilà, en fonction de sur certains genres, sur les tops de l'année. Machin. J'en fais pas beaucoup, hein, mais j'en fais de temps en temps et c'est ce qui. Non mais c'est très bien. Plus. Moi c'est vrai que je les regarde quand ils sortent et moi j'apprécie vraiment. Donc allez voir voilà. ça. Voilà, ouais, donc voilà, j'avais cet exemple là. C'est juste le nom de la chaîne. Le podcast dans l'ombre. OK, parfait. Voilà. Et du coup Morgan, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Twitter uniquement @cinemorgan. Voilà. OK, très bien. Parfait. Et bah, du coup, on se retrouvera prochainement. Voilà, on vous dit pas de date encore pour le Movies Nerd 59. Et puis, ben, bah, on vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Salut. Salut. Au revoir.